Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 14 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Comte, et le numéro 98, Alex Galibeau. Hey, hey! T'en as pas d'autres? Mais non, ce soir, on joue en infériorité numérique, Alex, pour le podcast. On va être juste deux. Double infériorité. On s'est dit qu'on allait le faire pareil parce qu'on est en playoff, puis on n'est pas des lâcheux. C'est exactement. Plein d'affaires à parler en plus intéressantes. Yes! Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, on est un podcast de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle avec passion et boisson, toujours. Bien sûr! Toujours! Fait que, Alex, c'est quoi de neuf? Bienvenue en troisième ronde des playoffs! Yes, sir! Contre les Rangers, on finale d'Association de l'Est. Man, qui aurait cru? Qui l'eut cru? Il n'y a pas un spécialiste qui devait être Canadien en gagnant. Tout le monde se Boston. Hein, certainement Boston, pas Régent Tremblay, en tout cas. Personne. Personne ne voyait Canadien. On a fini par se rendre et encore une fois battre les maudits bad, Big Bad Bruins. Big Bad Bruins. Entre gros guillemets. Là. Effectivement. Fini ce temps-là. Avant de commencer la première période, c'est ça. Ça parle de nous, Alex, dans d'autres podcasts. Ouais, j'ai vu ça un peu. Il y a un podcast qui s'appelle Le Best Podcast Ever qui a fait une mention sur nous autres, un petit 40 secondes. Puis écoute, j'ai l'extrait ici. Je propose qu'on écoute ce qu'il y avait à dire sur notre show. OK. Puis il y a la soirée du podcast pour les amateurs de hockey comme moi. Ces gars-là sont malades, sont tellement drôles. C'est un show qui se prend pas au sérieux. Ils sacquent pendant l'émission, puis ils disent des stats que genre, c'est même pas vrai. Puis ils pensent que c'est ça, mais juste attends qu'il y en a un qui connaît plus ça, puis qui dise « Hey, dans le champ, là, tu nous fais passer pour des caves. » Mais ils sont vraiment drôles, justement. C'est ils sont combien de gars? Ils sont trois. Moi, j'ai écouté deux épisodes, puis je sais pas si sont plus souvent trois ou quatre, mais moi, ils étaient trois. Puis les gars sont super drôles, puis ils font vraiment un bel job. Bon, là, on est... Merci. Merci beaucoup. On est deux. Là, on est deux, mais d'habitude, on est quatre, pour vrai. On est quatre, l'alignement de... Le team officiel, c'est quatre. C'est quatre. Des fois, on est cinq. C'est déjà arrivé une fois l'année passée. Mais aujourd'hui, on est deux. Ben, merci à la gang de Best Podcast Ever. Merci. Allez suivre leur podcast. Puis, likez leur page Facebook, toute là. C'est parce que les stats, là, on shoot des affaires de même des fois. C'est parce qu'il y a quatre gars qui parlent de hockey. On parle à Fred de même, puis à un moment donné, on va vérifier, puis souvent, c'est pas vrai ce qu'on a dit. Des fois, on embellit. Ah, oh, il a donné 50 mises en échec. Hey, te rappelles-tu de la 52e Coupe des Canadiens? C'est ça, exactement. Bon, ben, sur ça, on va réchauffer la crowd. Ouh. Et oui. Et on est prêt à dropper la poque et commencer la première période. Allons-y. Le buzzer. Aujourd'hui, le podcast sera séparé en trois sections. Première période, on va parler de la fin de Canadien Bruins. Deuxième période, les trois premiers matchs. Parce que là, on a oublié de dire dans le temps où on était présentement à l'enregistrement. Le Canadien hier qui est revenu dans la série Canadien Rangers pour remonter la série 2-1. Ouais. Après une belle victoire en prolongation, mais on en parlera plus tard de ça. C'était dur. Puis c'est ça, en troisième, on va faire le tour de la Ligue nationale. Alors, commençons, Alex. Match 5, 6 et 7 des Bruins. On avait fini au match 4. Match 4, c'était 2-2, je pense, dans la série. Je pense que oui. Ouais, fait que là, c'est ça. Donc après ça... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça a fait 3-2 avec parce que le Boston a gagné 4-2 ce match-là. C'était un match mauvais, ça. C'était pas super. Fait que le match 5, qu'est-ce qui s'est passé? Retour de Pross dans l'alignement. Ouais. Puis ça, c'est fucky. C'est qu'il est benché Brière, là. Ouais, mais Brière a été benché, c'était ce match-là. Parce que Pross revenait. Ouais. Bench pas Brière. Ça, je trouve, c'est une des mauvaises décisions que Michel Therrien a prises. Il a fait bien des décisions douteuses, je trouve, en playoff de coaching là, qui sont discutables. Mais ben celle-là était... Tu trouvais vraiment bizarre. C'est un gars qui, même s'il donne, tu lui donnes 6 minutes de jeu, il va toujours t'emmener peut-être qu'un but ou quelque chose. Mais en beaucoup plus que Pross. En plus, c'est un joueur de playoff. T'es allé chercher un peu pour ça aussi, Brière, je pense. C'est ça. Le gars, il avait comme 113 points en 115 matchs. C'est comme, come on, donnez-y du temps de glace, c'est sûr qu'il va scorer. Ça, pour le vrai, j'ai vraiment pas compris. Puis Pross, dans cette game-là, vraiment, il a rien donné. C'était mauvais, là, de A à Z. Mais toute l'équipe a mauvais joué. C'est ça, comme tu dis, on a perdu 4-2 ce match-là. Mais c'est vraiment... Qu'est-ce qui a vraiment tout fait tourner ce match-là? C'est vraiment les pénalités de Plekanec. Ouais, deux pénalités, un back-à-back à un moment donné. Là, c'était dégueulasse. Ça, là, ça a tué tout le momentum. On est tous à mort, man. On comptait comme 3 buts, puis c'était à faute de Plekanec. C'était 3-0. Ouais, c'est ça. C'est bang, bang, bang, fini. La game était finie en début de deuxième période. Ouais, puis c'est ça. Puis vers la fin, c'était... je pense que c'était 3-1, 3-2, vers la fin, à 5 minutes, là, quand ils ont monté. Ouais. Que là, Therrien a décidé d'enlever Carey Price à 5 minutes de la fin. Mais bien fait. Ça. Ouais, mais c'est une nouvelle tendance de cette année, ça. C'est Roy qui a commencé ça. Tu vas perdre anyway. Fait que t'es tout si bien, man. Puis ça a marché pour Subban scorer. Ah, mais c'est une arme à deux tranchants de faire ça quand même. Parce que à 5 minutes de jeu, t'as encore du temps de faire des jeux puis de remonter. Mais ils peuvent tellement te scorer facilement. Ouais, mais ça monte du guts. Ça prépare la prochaine game. Mais ça, c'est le but de Subban, que Subban collait pour la POC comme un malade. Il sautait dans les airs pour play, parce que Patcherity, il jouait mal dans ce temps-là et tout, ce game-là. Ouais, ça a pas été super. C'était dans son draw, tu sais. Il était en sécheresse, puis tout le monde le critiquait. Puis il prenait tellement son temps en fin de game, c'est comme, hey, wake the fuck up. Là, on n'a pas le temps de faire un jeu, passe-moi pas. Tu vois, si tu regardes le replay, Subban, il saute dans les airs, puis après ça, il fait la passe, puis il shoot ça, puis il compte. Il y a quelqu'un dans le chatroom, Grosse Irène, qui est un régulier, je pense que c'est Martin, mais je suis pas sûr, qui dit que Therrien n'aime pas Brière, même s'il aurait des stats à la Gretzky, il le bencherait. Ouais, je sais bien, là, mais... À quel point il l'aime pas. Je suis pas sûr que dans les playoffs... T'es dans les playoffs, ça... Non, mais je trouve que ça a paru, je veux pas, je trouve qu'il a raison. Je trouve que Drette, là, mais ça paraît sur son que... temps de jeu, là, qu'il y a quelque chose aussi, qui se passe, là. Mais en même temps, t'as pas de raison de le bencher pour un pro se rendu dans cette game-là. Il venait de perdre... Ça, c'est la fois on a perdu deux de suite, fait qu'il avait perdu le match 4. Ouais. Fait que, tu sais, j'aurais changé bien d'autres mondes avant de C'était quoi la mentalité derrière ce move-là? C'était-tu de dire, on va ramener Pross, on va brasser les physique, bros, on va essayer de jouer leur game physique quand c'est jamais la game du Canadien? Puis chaque fois le Canadien essaie de jouer physique, on se fait tout Pross, le temps avoir. Puis Pross, il jouait pas physique avant la game 6. Ouais. La game 5, il n'a pas joué physique pas en tout. Il était pas bon. Il perdait à puck partout, man. C'est comme si... À chaque fois, il essayait de pogner à puck, il rebondissait partout. Ce gars-là, il faisait capoter, man. C'était son premier match dans la série contre Boston? Plus, je me souviens plus, là. Je pense qu'il a joué les premiers matchs. Alors, je sais pas. Ça fait trop longtemps. Mais en tout cas, fait que... Ouais, mais Brière, t'es pas bon. T'as pas super bon. Brière est venu tout de suite après. Ouais, puis on en reparlera aussi. Brière qui a joué un rôle important dans la Game 7. Mais là, on saute une étape. Oui. Avant de continuer, on a oublié de dire qu'est-ce qu'il joue présentement sur la télévision en background. Oui, c'est vrai. Ouais, on a pris le classique. Canadien Rangers de 2008. 2008, ça, je pense? Oui. Ouais, la remontée spectaculaire. C'est la deuxième fois qu'on la met, mais c'est parce que là, tu sais... On joue contre les Rangers. Ouais, c'est ça. Là, on a un coffret limité de 10 games. Puis, 10 Rangers... meilleurs games. Fait que tu joues contre les Maple Leafs, Boston ou les Rangers, presque. Fait que je pense que dans ton coffret, il y a une game contre les Blackhawks. Fait que est-ce que c'est. T'sais... Oh! Il y a une game contre LA aussi. Ouais. La finale de la Coupe de l'année. On pourrait reproduire aussi la finale de la Coupe contre le Los Angeles. Ce qu'on espère tous, mais en tout cas, ça. Je penserais pas. On va... C'est plus loin dans le podcast, ça aussi. Effectivement, on va regarder ça. On va regarder les munitions. Ah, il y avait plein d'autres affaires qui s'est passé en Game 5 en passant. Il y avait Thornton qui lance de l'eau à Subban. Il y avait. Il y a également Grosse Graine qui nous dit un autre commentaire qui dit un coach a un gros ego, faut qu'il montre qu'il a les plus grosses graines. Ah bon. Fait que c'est ça, c'est des commentaires. C'est de bien placé, ça. Pénis. C'est sûr, c'est Martin. Ça. En tout cas, ouais. Fait que ouais, dans ce game-là, vraiment, truc weird là. Sean Thornton qui lance de l'eau d'en face à Subban pendant un jeu. Ouais. Puis qui rit, puis qui est crampé, puis. Ça, c'était con, man. C'est... En plus, il y en a un autre, Clev Krejci, je pense qu'il l'a fait. Il y a deux joueurs qui ont fait ça. Lui, il s'est pas fait pogner. Mais lui, c'était évident au bout. C'est dégueulasse. Une amende. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu. Parce que personne n'a vu, pas de ref qui l'ont vu, pas de pénalité de banc pour ça. Pas de... Tu peux donner... pas interférer avec un joueur quand t'es sur le banc. Là, c'est... Ouais, c'est vraiment bizarre. Pour de vrai, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans la Ligue nationale. Parce que pénalité, sûrement, mais. Mais je c'est sais... vraiment, oui, c'était TPS. C'est des séries plus niaiseries. C'est carrément niaiseux. Puis je sais pas pour toi, mais moi je pense que ça a été ça le point tournant de la série canadienne. Ce match-là, mais ce geste-là spécialement. Ouais. Puis aussi Lucic qui flexait. Là. C'est dans ce match-là? Ah ouais, puis il flexait ses muscles puis il embrassait son chandail, ou il tapait le chandail Boston Strong. Ça, je pense que c'est dans Boston Strong, c'est dans le match 4, si je me trompe pas. Possible, ouais. Pas sûr, mais en tout cas, je suis sûr que ça n'a pas aidé. C'est la suite des choses. C'est tous ces gestes-là qui ont fait, comment vous prenez pour des caves, là. C'est comme. Mais ils montraient aucun respect aux Canadiens. Vraiment pas au sérieux, puis c'est. C'est pour ça qu'à la fin de la game set, les gars, ils parlent juste de respect. À cette heure, vous allez nous respecter. C'est ça. Je pense que cette game-là, ça l'a fait comme, ben là, allez, je suis tout chier. Ça va faire rien, ça. D'après moi, ça a fait sauter les plombs à Subban aussi. Ouais, là, il voulait encore plus. Qui a été maltraité par les fans de Boston en plus, c'est juste comme. C'est une accumulation. C'était fou, là. Ça aurait pas pu finir. Ben, ça aurait fini autrement, oui. Mais... C'est la plus belle rivalité de la ligue, là, c'est sûr et certain. C'est pour ça. Fait que pour ce geste-là, finalement, Thornton a été mis à l'amende pour 2 820 $ et 52. Toujours bien. Même des scènes. Bien important de spécifier les scènes. Pourquoi ils font ça? C'est weird, on est ici. Je sais pas si c'est le taux de change de l'article que j'ai vu, mais. C'est un pourcentage de son salaire, sûrement. Je sais pas, là. Je comprends pas. Mais en tout cas, whatever. On va demander à Stéphane Quintal. Stéphane Quintal, pourquoi tu donnes ces montants-là? Des scènes. Fait que ça fait le tour, je pense, pour la Game 5. Game 6, on est revenu fort, puis pas à peu près. Ah, là, ça, c'était hot, ça. Domination beau à totale, victoire de 4-0 du Canadien. Price était spectaculaire. Là, on se faisait battre 3-2, man. On pouvait se voir l'élimination. Et là, tu bats à 3-2, tu bats les Bruins 4-0. Tu mets un gros doute dans leur temps en commençant. Oh man, ça là c'était. Ouais, là, je pense que la série là c'était comme. Là, il y avait peur. Là. Boston, ils ont eu peur. Puis c'est pas passé grand chose, hein, j'ai pas une si bonne game. Non, on a vraiment dominé. On a pas eu vraiment de. On les a frappés plus encore une fois. Ouais. Les deux fois qu'on a fait ça, on a gagné. Mais encore une fois, j'ai pas reconnu le team de Boston dans ce match-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. On a compté vite aussi, celle-là, en partant. Ouais, quand on compte vite, ça marche. Sauf contre les Rangers, ça fait pas le même effet. On dirait que contre les Bruins, là. Ce qui pas pareil, deux teams, hein. Ce qui est bizarre quand même. Mais pas pareil en plus. Mais encore là, les Bruins, pensais-tu qu'ils étaient plus forts que le Canadien à ce point-là pour manquer de respect et de pas jouer leur jeu? Pis... Ben. Les Bruins, c'est une powerhouse. Là. Il aurait dû, me semble, sur papier, en tout cas, nous torcher plus que ça. Ah ouais, c'est sûr. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, on dirait qu'ils n'ont pas joué leur game. Ou... Je sais pas, ils rattrapaient tout le temps le Canadien. Je pense que c'est vraiment un côté psychologique. Là. Les Bruins, c'était pas là. Probablement, ouais. Puis... Il y avait quelque chose qui manquait à quelque part. Là. C'est, ça n'a pas de bon sens. Que... Ben, déjà, en partant, la première game, Claude Julien était nerveux. Claude Julien, ouais. C'est eux autres qui ont tout à perdre. Fait que, tu sais, puis tout le monde le savait. Quand t'es favori, bon, on n'est pas rentré là favori dans cette série-là. Là. Exactement. Là, on est rentré favori avec les Rangers, mais regarde qu'est-ce qui se passe. Bon, je sais pas si c'est à ce point-là que ça a de l'effet, mais. Ouais, mais c'est dans la tête. On en parlera en deuxième, les Rangers, dans la tête. Ben, Game 6, écoutez, rien à dire, à part que Canadien. J'espère que vous l'avez écouté parce que c'était méchant bonne game. Méchant, bon. Domination de A à Z. Puis après ça, ben, Game 7, game ultime de Canadien-Boston. Ça, c'est une game que tu étais sur le bord de ton siège toute la soirée. Ouais, moi j'étais debout parce que je tournais rétro nouveau. J'étais debout assis. J'avais deux chums qui me textaient sans arrêt. J'étais comme, quoi, ils arrêtaient de me texter. J'écoute la game! Je sais pas, je répondais des fois, mais eux autres, un de mes chums était chaud. C'était Max en passant. Bon, faut-tu Max était chaud, ça paraissait à même. Bon, ça y est, Max était chaud. Max était chaud, puis il arrêtait pas de me texter. Check, Max était chaud. Avec plein de fautes. D'habitude, c'est toi ça qui fais ça. Prends pas de temps. Ouais, cette game-là. 20 000 personnes au Centre Bell pour voir la game. Personne sur la glace. Ouais. Puis à quel point Montréal est un marché de hockey, là. C'est là qu'il y avait Youpi sur la glace, des caméramans pour prendre la photo. Puis le monde regardait le match qui était à Boston sur l'écran géant. À 10$ le billet, là. C'est comme ils ont fait un bon 200 000 direct là. Puis là, plus la bière, plus les concessions sont toutes ouvertes. Juste vite là-dessus, tu sais que l'association des bars, ils poursuivent le Centre Bell. Hein? Ah ouais, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est comme si on ouvrirait un bar de 20 000 places. Ils ont permis d'alcool juste pour les amphithéâtres, eux autres. Fait, faut qu'ils montent un show, quelque chose. Ils peuvent pas juste ouvrir une TV. La commission des liqueurs, on dit que non, ça ne contrevient pas à la loi. Parce que, je sais pas, tu sais quoi, Youpi, c'est à glace, c'est un événement. Tu fais un show, il est en 4 roues, ben! Tu se promènes une petite t-shirt, là, avec les... Puis, c'est ça, ben là, ils s'en vont en cours supérieur, c'est fucké, mais ils l'ouvrent demain. Dimanche, c'est la même chose encore. Fait que les autres s'en foutent. Puis ça va être plein encore, là. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont fermer le Centre Bell pour ça? C'est-tu riot qui arrête? C'est comme, hey, dude, ferme. Tu sais, le président des bars, le ferme, là. Ouais. Je dis, tous les propriétaires, en plus des bars à côté, disent, non, nous autres, c'était plein anyway. Fait que. Ouais, c'est ça, tu sais. On vole aucun client, c'est juste qu'il y a plus de monde pour aller voir anyway. Ça, c'était fou. Ça... Mais ils ont quand même réussi à stacker 20 000 personnes pour un événement qui était même pas en direct là-bas. C'est vendu les billets, là. Ça passait à midi, puis 2-3 heures après, n'a plus. D'ailleurs, tu parlais d'un. d'un. Tu me parlais d'un bar qui est à Toronto sportif. Là, ouais. Il y a beaucoup de télé. C'est, ouvrir ce genre de bar-là à Montréal, ça poignerait. C'est supposé d'avoir un. Genre de bar sportif, mais massif. Dans là, Tour du Canadien, c'est ça que Jeff Molson est supposé avoir un gros bar. Là, genre dans immense, la Tour là. Du Canadien? Ouais. À côté, il bâtit ça, la Tour du Canadien, à côté de Sandbell. Ah, je suis pas sûr. Les condos. OK. Mais c'est, ah ouais, c'est tout des condos. Tu peux, après ça, tu as même une galerie quand tu as le condo là-bas. Tu peux voir la game dans le Sandbell. Il va avoir des fenêtres. Ah, c'est fucké. Puis là-dedans, c'est, ça va passer à Jeff Molson. Puis il va faire un gros bar sportif. Fait que la cage au sport va bien mieux se tenir. Maintenant, elle peut fermer. Mais ça va être un bar comme ça, comme à Toronto. Mais Toronto, c'est fou. Là. Je me rappelle plus du nom. C'est mon beau-frère qui est allé. Mais c'est, il y a des TV à chaque table. Tu peux choisir quel game tu veux. Il est bruyant là-dedans. Oh, sauf quand Don Cherry parle, là, tout le monde se tait, ah ouais, tout le monde écoute. God is speaking. Regardez dans toute sa magnificence et ses belles couleurs. Dans ce match-là, après ça, c'est-tu dans ce match-là qui montrait des pénalités? Genre, puis c'était même l'autre, comme l'autre commentaire, il dit non, that's a diving. Il dit, oh, shut up. Ah, il était Don Cherry. That should be a penalty. C'est comme l'autre, dit non, that was a diving, Don. Shut up. Ron McLean qui contre ça. Contre ça, puis il sait ça, man. Je suis tellement content. Deux imbéciles. Ah, yes, CBC pour de vrai, il n'est pas. Personne plus biaisé que ça quand ça vient Boston. Là, ils prennent le Canadien. Hey, mais pendant la série Canadien-Boston, c'est dégueulasse. Don Cherry avait un suit de Boston. Ah, il avait une cravate Boston puis un suit noir et jaune. Chris, t'es la seule équipe canadienne dans la ligue. Tu peux-tu prendre, même si t'as déjà été coach puis pour Boston? Puis ils montent tout genre, le temps les maudites erreurs du Canadien. Oh, ouais, c'est comme. Checker les gars qui sont pas bons. Hey, Cristobal Huet qui est à télé présentement. Il enlève Price. Là. On s'est fait compter 5-0 ou 4-0. Tout à l'heure, on parlait de Brière. Un but de passe. Ouais, je pensais que tu parlais du match. Price, un but, une passe. Price, c'est ça qui manque à sa fiche, un but, ça s'en vient. Là. Il a essayé une couple de fois. Ouais, il va l'avoir, finir par l'avoir, Price. Il va l'avoir. Ouais, dans la game 7, Brière, un but, une passe avec seulement 8 minutes 30 de jeu. Mais tu vois, c'est pour ça que tu mets pas Price à sa place. Ouais, tu comptes Price si tu peux, mais c'est heure à trancher. Ça t'enlève Bournival, mon une. Ouais, contre les Bruins. Yeah, Bowen n'est plus là. Ouais, Bowen, tu l'enlèves. Bournival, c'est parce qu'il y a tellement de la vitesse. Ouais, là, mais je veux dire, ça dépend du type de match que tu vas avoir. Ouais, contre là, Boston, tu sais. Tu peux mettre Pross, là. Puis Pross, il avait bien joué dans Game 6. Ouais. La sixième game, il avait bien joué. Fait que là, tu sais, tu peux le remettre puis enlever Bournival. Je pense que c'est ça qu'il a fait. Je me rappelle plus du line-up, mais je pense qu'il était là. Pendant le match-set, Brière était Mikey. Ouais. Il a fait un but, fait que j'ai comme l'audio de son but, de la réaction après avec son équipe. Je sais pas quel genre de micro ils ont, là, mais. Je t'entends pas, vraiment moi. Juste lui, c'est débile. Ouais, tu l'entends pas respirer. Pinpoint, ouais, c'est pinpoint, doit être des micros incroyables. On écoute sa réaction à son but et puis la célébration avec tout le monde. Là. Yeah! Yeah! Hey, ça célèbre comme des petites fillettes au Hockey Cousin. Ah, comme nous autres, yeah! C'est fou, man. Ces gars-là sont humains. Ouais. C'est ça, they're human. Ils sont riches, mais ils sont humains. Et humains. Ah ouais, ben ça, ouais, ça c'est. Il en manque pas mal le monde, mais c'est. Je sais pas si où c'est. Je sais pas, ça dépend. On n'entend jamais. Mais t'sais. Je pense que c'est la NHL qui est propriétaire de ça parce que quand t'es check sur YouTube, ça commence par NHL on ice, quelque chose de genre là. Faudrait peut-être sur le site de la NHL, on a sûrement appelé parce qu'il en manque pas mal à toutes les games. Quand on fera notre post-mortem de la saison au complet, on parlera des améliorations qu'on aimerait ça voir dans la NHL. Puis moi j'ai des points justement par rapport à ça que on a la technologie à cette heure pour avoir ce genre de. D'accès là, tu sais, de maquiller tout le monde rendu là. Même, ouais, mais tu veux. C'est des affaires qu'on peut pas entendre. Faudrait qu'ils censurent tout. NHL.com, donnez-moi un accès privilégié que je peux contrôler ce que j'entends puis ce que je vois, puis je vais payer pour. Là. Ouais, c'est ça. Non, je pense que. On veut garder ça un petit secret en même temps. T'sais. Fait que le Canadien qui a gagné 3-1, t'es-tu nerveux pendant les dernières 10 minutes du match? Vraiment. J'ai été nerveux toute la game, man. En partant, le puck drop jusqu'à la fin, je capotais. Là. Ça, c'est des games que tu veux voir dans ta vie. Ouais, puis c'est des games que tu veux pas perdre aussi. Non, non, c'est vrai, c'est ça. T'sais, si tu perds, t'es tellement déçu. Là, la victoire t'amène, là, c'était comme... Déçu comme les gens à Boston, le visage long à la fin de la game. Good, j'en voyais qu'ils se levaient puis s'en allaient, puis j'étais comme in your face. C'était même pas game de rester là, man. Tu t'en vas. Au moins, tu restes jusqu'à la fin. Surtout t'sais, en play-off, les matchs. Surtout, il se fait éliminer, tu restes c'est là. C'est ça. T'sais, moi, ça m'est arrivé, j'étais allé voir le Canadien se faire éliminer 2 années de suite. J'étais là la dernière game, en plus, contre Philly, puis là, une autre année contre... Ottawa, j'étais là dans les games. On avait parlé quand il y a eu les commentaires de racistes contre Subban, il y avait un fan de Boston qui a posté une photo avec des cartons marqués. Là, il a posté une photo marquée comme ah, bravo Canadiens, vous nous avez battu, bonne chance. Mais le gars, il a les yeux tout rouges, il y a comme une larme qui coule. Je suis pas sûr qu'il a pleuré. Il a l'air d'avoir vraiment une larme qui a coulé. Là, allez voir ça sur notre Facebook la soirée du podcast. Là, c'est fou ça. Props au gars pour avoir passé par-dessus les épées à Boston. Mais si t'es broyé, mets tout ce qui est rice puis enlève tes larmes, tu sais. T'as l'air d'un épais, là. Ouais, c'est correct, au moins, he cares. He cares. Lui, il a son team à cœur, là. C'est juste du hockey à la fin de la journée, tu sais. Mais dis pas ça à moi, Ben. Ben, c'est juste du hockey à la fin de la journée, sauf pour certaines personnes, genre Milan Lucic. Bah, oh. Puis je suis content que tu sois là à soir pour parler de Lucic et de, ben de, oui, de hein. Tout ça. C'est, je c'est le prendrais quand même pour une question. Présentement encore, tu le prendrais malgré... Je le dis sur le coup, j'ai dit, je me suis dit non, je le prendrais plus parce que vraiment, je savais qu'il was a douche, là, mais tu sais, ça, c'est vraiment c'est manqué de respect, c'est antisportif. Ouais, là, c'est vraiment beau, là, qu'est-ce qu'il a fait. Pour revenir à ce qui s'est passé, il y a eu la traditionnelle poignée de main à la fin de la game... que tout le monde se félicite, bravo, bonne série, on passe à autre chose. Sauf Lucic, qui lui était pas capable de gérer la défaite. Il a serré la main à Weiss en regardant dans les yeux en disant « I'm gonna fucking kill you next season mm-hmm. ». Puis il a fait la même chose avec Emeline. T'as-tu vu comment il a pris la main d'Emeline, man? Super oh, raide, ouais, c'est comme fou. Si, ouais, mais s'il l'aurait blessé, j'aurais capoté. Ouais, avec l'épaule, ah, c'est son solide. Là, mais non, mais tu peux-tu lui donner une amende après ça pour ah, ça? C'est sûr. Blesser quelqu'un dans une poignée de main. Ah, oh, mais tu sais, c'est tellement beau. Fait que non, sur le coup, j'ai pensé que dire non, je le prendrais pas, mais dans le fond, même là, tu changes d'attitude. Tu sais, t'es capable de le modeler comme Price au début, on n'aimait pas son attitude. Ah ouais, mais on n'aimait pas son attitude, mais pas au point de Lucic, là. Ouais, non, mais je veux dire, tu peux essayer de changer son attitude. C'est ça l'encrisse, là, de dire, m'a tué l'année prochaine quand tu viens de te il faire éliminer. Il paraît qu'il y en a d'autres qui ont déjà dit ça, c'est juste que lui, c'est parce qu'il s'est fait pogner, à dire. Ouais, ben c'est parce que lui, puis ça paraissait. Si tu sais. Mais... Ça, ouais, ben ça, on va revenir tout de suite après, là, mais ça paraissait aussi, puis Emeline, il lâchait pas aussi, puis c'est Brière. Non, c'est Desharnais qui a comme brisé la poignée main, il l'a poussé comme, il a donné la main à Lucic, puis il a commencé. As-tu la photo aussi de Subban qui sort la main à Lucic, puis Lucic, tu ne regardes pas pantoute, il regarde dans les airs à côté, là. Il était pas mauvais perdant. Ça a l'air que Markov aussi, il aurait dit, genre, quand tu sors la main, regarde le monde dans les yeux, je sais pas si ça c'est vrai. Ça me surprendrait de Markov. Ah, ça, c'est Boston qui a sorti. Ah, tu vois, là. Mais c'est ça, je sais pas. Il aurait rien compris, mais oui, si Markov, il aurait dit ça. As you know, quand il a fait une entrevue de Markov, c'est juste ça. Well, you know, play the puck. Mais c'est ça, il aurait même pas rien compris, first of all. Ça, c'est une histoire qui est sortie à Boston. Que, ouais, tu vois, c'est biaisé. Je m'excuse, là, c'est les médias montréalais qui disaient, ah, ben c'est biaisé. Boston disait ça de Montréal. Biaisé. Biaisé. C'est biaisé. Ben, je m'excuse, mais c'est NBC qui filmait Lucic, hein? C'est pas RDS. Ouais, c'est ça. Fait que les Américains ont pas rapport là-dedans, Boston. Là. Puis c'est ça, fait que Lucic qui fait de l'intimidation, même quand il est éliminé, puis bizarrement, deux mois avant, avec sa femme, il lançait un livre contre l'intimidation chez les jeunes qui s'appelle Not Cool to Bully in School. Puis, ah, ben, très, très conséquent. Non, mais tu vois que c'est un gros domaine des fois. Là. Il veut faire des bonnes actions, mais il était pas. Ouais, c'est ça, exactement. Il est con, puis il n'a pas été capable d'accepter. Mais écoute, je propose qu'on écoute ses commentaires d'après élimination dans le vestiaire. J'ai fait un petit résumé de ça, de 40 secondes. Il est sur le bord de broyer, ouais, c'est ça, très pleure, drôle. Pleure. Mal saison, on va passer tout de suite. Ah non, excuse. Ah. J'ai oublié, j'avais de quoi avant, c'est vrai. J'ai la poignée de main entre Brière. Ben, Brière, t'as marqué, ouais, main okay, la poignée ouais. de main. Fait qu'on va mettre dans le fond des extraits de ce que Brière puis les autres se sont dit. Au début, je pense que c'était avec Bergeron, il dit ah, va me chercher à la coupe, quelque chose du genre. Ouais, vas-y, go get it. Fait qu'on écoute ça. Ah ouais, Pat. Mal saison, on va passer tout de suite. Merci. Good job, Tuca. Good job, Tuca. Boy, good luck, man. Good job. Every player. Good job, Tuca. Thanks a lot, good luck, man. See you, Louis. Good job. See you, Louis. Good luck, man. Good luck, Tuca. Thank you. And boy, Dan. Good job, bonne chance. See you again. Thanks, yeah. Well, boy, great. Good job, man. Good luck. Great season. Oh, boy, Johnny. Oh, boy. Good luck. Good luck. Heck of a player, buddy. Keep it going, man. C'est le jeune, ça. Oh, la période se termine en bas là-dessus. Dans le chat, présentement, il y a comme... grosse tendance sexuelle, là. Je sais pas ce qui se passe. Boukaki qui est là, gros graine, grosse graine. Je te viens d'en face, Brière. Il y a le pénis mou. On a vraiment là, la crème des auditeurs de podcast au Québec. Boukaki, des pénis, on a de la crème. Ouais, fait que ben, dans le fond, avant de mettre Brière, je voulais mettre ouais, les commentaires de l'entrevue de Lucic d'après match. Fait qu'on l'écoute. Yeah, it's unfortunate the way it has to end. I mean, you know, we get ourselves up 3-2 in the series and aren't able to get the job done, especially with the group that we had here and the season that we were able to put together. And it's going to be tough to, you know, swallow this one and deal with it for the rest of the summer. You know, we just didn't play our game when we needed to, you know, in these last two. So, you know, they were able to execute on the chances that they were able to create, and we weren't. It's set on the ice, so it'll stay on the ice. So if he wants to be a baby about it, that's he can make it public. Disrespect, I don't know what they're talking about, disrespect. Having a goal celebration, what kind of disrespect is that? On t'a dit, moi, c'est quoi? C'est quand tu viens de scorer dans un filet désert puis tu te pends le chest sur ton affaire avec les Bruins devant la note foule, premièrement. Ouais. C'était à Montréal, ouais, ça. Puis tu te pends aussi le gros signe des Bruins comme si tu viens de compter le but dans le game 7 qui fait gagner. C'est comme, dude, that's disrespect. Ça finit, là. C'est ça, il y a une question qui demande, qu'est-ce que tu dis à Dale Weir sur la glace? Ça avait l'air intense. Ouais. Puis il a dit, ce qu'il dit sur la glace reste sur la glace. Puis. S'il veut être un petit bébé, si ben... il va le rendre public. Chris, les gars sont mikés, hein. Ça reste pas sur la glace, là, tu sais. Ouais, mais... il aurait pu rien dire, Dale Weir, parce qu'il ben ouais, ça. Puis, il a décidé de se mettre dans la face. C'est correct, mais il y a plein de gestes de même. Big baby. On n'a pas parlé du geste de Marchand sur Plekanec. Ouais, on n'a pas digéré ça dans une mise en jeu pendant que personne ne regardait. Plekanec, il est comme penché pour la mise en jeu, puis Marchand, il fait juste écrire. Non, mais tu vois, il check tout, voir si un ref le regarde, paf! Puis il voit qu'à la fois, il crie ce coup de poing là. Je pense que Plekanec est comme crampé après ça, puis il est comme, come on, là. C'est such a joke. N'importe quoi, là. Con, là. Marchand, là. Deux épaves. Lucic Marchand, là, c'est pour le reste. C'est des bons joueurs, pour le reste. C'est des bons joueurs. C'est juste qu'il y a une petite attitude. Je pense que Marchand me fait encore plus le chier que Lucic. Ouais, ben, une fois, ça fait cette dent, Chris. Il va peut-être être échangé, j'entends. Mon frère avait une suggestion l'autre fois. Je sais pas si ça se ferait. Tu ramènes un gars des mineurs, tu sais, qui jouera jamais dans la NHL, juste pour une game, pour aller. Il colle son bâton sur la gueule. Là. Ça se ferait. Sur le banc des joueurs. Bang! Ça se fait, mais il n'y a pas de. Personne va avoir le gosse de faire ça, puis personne va avoir le non-respect de faire ça. Non, c'est ça, ça apparaîtrait vraiment pas bien, mais ça s'est déjà fait. Mais en tout cas. Dans le temps, là. Les belles années, ça s'est déjà fait. Dans le temps que les gros loups n'avaient pas de casse. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fini par gagner la série contre Boston. Astique, yes. Est-ce qu'on finit avec nos plus, nos moins sur. Ouais, c'est vrai, on n'a pas fait ça. On a oublié de le faire. Pour la Boston. Pour les trois dernières matchs, dans le fond, de Boston, canadien. Ouais, man, pour rien de mon. Plus, mon plus à Price, là, parce qu'il a gaulé sa tête. Subban, il a vraiment agi en leader. Les deux, là, ouais. Le duo. Là. Le duo, c'est vraiment ceux-là qui ont transporté les. Si jamais on gagne la coupe, j'espère qu'ils vont se payer un petit triple low five à la fin, là, ou quelque chose. Je sais pas, hein, c'est ça. Il faudrait, là. C'est vrai qu'ils vont dans sneaker. Putain, et moins. C'est plate à dire, mais je vais encore dire le même que j'ai dit l'autre jour. Je vais dire Markov. Markov? Ouais. Il me décevait dans le duo Markov et Mélin pendant cette série-là, j'ai vraiment de la misère. Je trouvais qu'il était pas là dans le game. Tu peux pas blâmer Weaver. Là-dedans. Non, il se donne tout le temps. Tu sais, Vanek et tout, pour de vrai. Vanek est. Choix facile. Là, c'est... Vanek, t'es-tu blessé? Il a compté deux buts, mais il y a, c'était des déviations devant le net. Il prend pas les shots. Je sais pas ce qu'il y a. Vanek, en playoff, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? On t'a été cherché pour ça. Là. Ben, c'est pas. Ouais, en tout cas. Je pense pas qu'il va revenir. Ben en tout cas, fait que c'était notre période sur le Canadien. Ben oui, ben on a encore une autre période sur le Rangers. Ouais, après ça, on va revenir à peine en attaque sur les Rangers. Bon, il y en a qui vont dire que ce qui a fait donner la victoire aux Canadiens, c'est la détermination. Il y en a qui vont dire que c'est parce qu'il était négligé. Mais je pense, Alex, que je sais vraiment pourquoi on a battu Boston. Parce qu'on était défoncés tous bien avant Boston! Ah, voilà! Ça vient du film Dead Man on Campus. Oh, wow. Et j'ai été chercher le son spécialement pour cette joke. Alors, j'ai été chercher ça pour ça. Wow. J'espère que c'était apprécié. Fait qu'on fait un entracte et on vous revient pour la deuxième période. Comment on appelle ça des films porno de main? C'est-tu genre des courts-métrages érotiques? Je sais pas, mais. Court-métrage. Court-métrage érotique. Midget porn. On est de retour pour la deuxième période. Deuxième période. Ben, bienvenue pour vrai en troisième ronde des séries. Yay! J'aime ça, Canadien, dans le carré d'as. Dude. Sérieux. C'est quoi, 2000. 2010? Ouais, je pense que oui. Dernière fois qu'ils sont allés là. Ouais, confili. On n'aurait pas prévu de toute façon toute la saison que le Canadien finirait dans le top 4. Ouais, qui aurait dit ça là? Hey man, tous les analystes disaient qu'on ferait même pas les séries. Ouais, c'est qu'on vrai. Finirait 8e. Les plus optimistes disaient 8e. C'est dégueulasse. Faut retourner voir nos podcasts de début de saison, qu'est-ce qu'on avait prédit pour le Canadien. J'ai dit qu'il faisait une série, c'est ça, je disais 6e, 5e, 6e. Dans le post-mortem, je remettrai l'audio de ce qu'on a dit, voir. Ouais, on devrait juste checker si nos prévisions ont été bonnes. Ouais. Du coup, je l'ai dit, oublie. Calisse, Alex. Calisse. Non, mais ce que je... Ah, c'est gelé. Je l'ai. Dans le fond, tous les experts, là, les supposément experts, ils se sont plantés sur toute la ligne depuis le début. Les François Gagnon de ce monde, là. Dude, man, c'est comme, ils font pas une série. Après ça, bon, ils passeront pas, t'as pas B, ça va finir en 7. Ouais. Après ça, bon, ben, Boston ils vont gagner. Va y tuer, ouais. Là, par exemple, ça, j'espère qu'ils se trompent pas pour celle-là, parce qu'ils ont dit que le Canadien était pour gagner. Ouais. Donc là, faut qu'il ait raison, là. Là, c'est comme, comment nos experts? Ben là, franchement, c'est comme, pour de vrai, tu peux dire que tu connais le hockey, mais tu sauras jamais qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est n'importe quoi, là. C'est à Montréal, c'est ça. Ça vend des journaux, j'imagine. Ben, ça, c'est pour donner des jobs au monde. C'est juste ça. Là. Quand moi, j'ai reçu le journal de Montréal, chez nous, j'ai commencé ça. Au table. Ouais. Je dis, oh, pendant les séries. Le gars, il nous voit, s'il cogne à ma porte pendant le match, je me regarde, je pense qu'on ne t'aime pas. Je dis, oh, oui, je vais le prendre. Fais, où c'est ching, là? Il faut que je retourne à la TV. J'écoute le match. Je suis désolé, mais je l'ai pris. Parce que... Mais Chris, il y a 20 pages. Ben, du Canadien, c'est comme, t'as tout analysé. J'aime ça, par exemple. Ça fait, c'est fun. Ouais, ben, tu sais, tout analysé, mais des stats, ça reste des stats. Là, c'est, ah, ben, parce que c'est la façon dont tu fais parler les stats, man. C'est. N'importe comment tu peux montrer un avantage ou un désavantage. Ben, des chiffres, tu fais parler ça comme tu veux. Là, ouais, c'est pas bon, ben tu. En tout cas, contrairement à la série Canadiens-Boston, je pense que le Canadien est rentré favori dans la série contre les Rangers. And what a wake-up call. Ouais, avant même de commencer le premier match, il y a Vigneault qui a déclaré que l'avantage au Canadien pour cette série-là. Ah, c'est encore la guerre psychologique, man. Vigneault qui a voulu... C'est pas nous autres quelque chose à prouver, c'est nous autres. C'était une guerre psychologique douce, par exemple. C'était pas de la confrontation. C'est deux chums, tu sais, mais t'sais, en même temps, il pousse la pression, il enlève la pression de son équipe, puis il la met sur le Canadien. Il a aussi dit, me semble, que les Rangers n'avaient pas trouvé de faille à Price, ou je sais pas trop. Ouais, non, c'est sûr. Ah, c'est une bonne équipe, il n'y a pas de faille, ça va être vraiment dur, ah, c'est tough, c'est nous autres, tu sais. T'as rien dit à ma faire, tu sais, les Rangers, faut pas oublier qu'on a mis les Pingouins, c'est une bonne équipe. Ouais, c'est ça. Lui, il essayait de renchérir là-dessus, mais Vigneault l'a dit en premier. Ils venaient de battre Boston. Tout le monde disait que le Canadien était favori, fait que. Je veux pas amener sa pèse en balance. Ouais, effectivement, là. Fait que bon, ben c'est ça, Vigneault. Puis tout le monde aussi disait, ben, ça sera pas une série émotive, il y a pas vraiment. Ah, ça l'est devenu. Ouais, Vigneault, puis Terrien sont des amis. Je pense que hier, on a vu que c'est devenu émotif. C'est devenu. Ben, même la première game qu'on a blessé Price. C'est comme, ça a commencé déjà là, qu'il y a une petite rivalité qui continue de monter à chaque match. Ah ouais, depuis à chaque le début, match, ça va de plus en plus, là. Mais, puis encore avant de passer au premier match. Il y a eu un pari de fait. Ben là, il y a eu un pari dans Boston-Montréal entre Denis Coderre et le maire de Boston. Le perdant devait faire. Puis il l'a fait après les deux premières games, je pense, qu'il y en a 2-0 aux Rangers. Ouais, Coderre, il décide de bêter quand même. Ça, c'est le maire de New York, mais moi, je parle de Boston. Ah, il fallait oui. qu'il fasse flotter le drapeau du Canadien. Il y a une photo, t'as-tu vu? On dirait que c'est un drapeau genre De char, là. Un drapeau de char, c'est tout petit, là. Petit fanion, là, c'est juste pour dire. Moi, ça, j'ai dit, il est bien petit. Ça devrait être le gros drapeau. Hein, non, ce petit drapeau à côté du drapeau US, là. Ok, c'est pas grave, il est là quand même. T'sais qu'ils ont peur de se faire péter des vitres à l'hôtel de ville. Faut qu'il vienne à Neway avec son chandail. Faut qu'il mette un chandail du Canadien. Ah ouais. Quelle honte. Ouais, faut qu'il vienne visiter Montréal puis mettre le chandail du Canadien. Bon, ben c'est ça. Puis là, il y a eu un pari entre Coderre et le maire de New York aussi pour cette série-là. Même chose. Après 2-0. Après que Price a blessé, c'est comme. Don't, bête pas. Mais c'est. Mais Coderre, très très optimiste toujours pour le Canadien. Justement, cette semaine, Dave et moi, Dave qui est pas là à soir, on était allé au Twitter. On couvrait l'événement avec Young Media. Puis. Denis Coderre était un des porte-parole, puis quand il est sorti, Dave a crié après « Hey, Denis! » Exactement comme ça. « Hey, Denis! » Denis, puis là, Denis est venu. Oh, monsieur le maire, Denis! Non, ouais, on va au maire de Montréal. « Hey, Denis! » Puis là, il vient voir. Il vient nous voir les deux, puis il a dit « Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? » Ben, je fais les taxes. On n'est même pas à Montréal, personne. Je sais. Mais Dave, il a dit « Denis, t'es-tu prêt à faire flotter le drapeau des Rangers à l'hôtel de ville? » Puis Denis Coderre, il a dit hey, les gars, vous allez vous calmer. Une série, c'est 4 victoires, puis c'est loin d'être fini. Ouais. C'est pas juste le drapeau, faut qu'ils disent que s'il perd, faut qu'ils disent que les Bengals de New York sont meilleurs que ceux de Montréal. Ah ouais, ça, j'avais pas vu ça. C'est le contraire pour l'autre aussi. Faut que le maire de New York dise que les Bengals de Montréal sont meilleurs. Malheureusement, on n'a pas été assez vite d'esprit pour prendre ça en audio ou en vidéo. Ce qu'on a fait. Ça aurait été tellement hot, t'aurais pu mettre ça sur le site. Oui, on avait des cams dans les mains, les deux en plus. On aurait pu le faire, mais ça a été tellement rapide. Et puis, Ouais, puis t'es impressionné. Là, c'est Denis, t'es invité à la soirée du podcast. Je suis bien, là. Ouais, peut-être. Là, on ferait ça dans une place publique, là, puis que le monde pourrait le voir. À son bureau à l'hôtel de ville. Là. Oh, oui, pas ce mortel, mais avec Denis Coderre. Fait qu'il y a eu un dernier pari qui a été fait au début de la série entre le Canadien de Montréal directement et Jimmy Fallon du Tonight Show. Parce que le Tonight Show maintenant est enregistré à New York, fait que c'est pertinent de faire ça avec lui. Mm-hmm. Ce que le Canadien avait proposé au départ, c'était que si le Canadien gagne, il faut que Jimmy Fallon porte le jersey du Canadien pendant son monologue d'ouverture pour un épisode. Really? Puis si les Rangers gagnaient, fallait que l'avatar du Canadien Montréal soit la photo de Jimmy Fallon. Jimmy Fallon a répondu « Non, c'est pas des assez gros steaks. » Fait qu'il a gardé que si le Canadien gagne, il va mettre le jersey du CH pour son monologue. Mais si les Rangers gagnent, il faut... Il faut que Youpi se promène dans la ville de Montréal avec un jersey des Rangers puis qu'il tweet 10 photos sur le compte du Canadien. Puis je pense qu'il y a en plus sa photo sur le truc du Canadien pendant cette journée-là. Fait que, nice. Là, ouais. C'est cool. C'est ouais, parce qu'il avait raison de monter les steaks, parce que lui, il va être vu par des millions d'Américains. Tandis que... Puis ben, il a montré la photo de Youpi à son show. Il en a parlé du pari, puis il a mis la photo. Tu sais, c'est leur mascotte, ça s'appelle Youpi. Puis c'est comme Youpi avec la pose bonhomme carnaval, là, la patte d'un verre. Bon, le classique. Le gros poêle orange. Le gros poêle orange. Il est hot, Youpi. Il était cœur, hein, on l'aime tout. Je sais pas si c'est la seule mascotte qui a été comme repêchée dans un autre sport. Pour de vrai, je pense que oui. On l'a comme adopté, Youpi, des expos. On l'a sauvé. Il était dans le placard là-bas, il était enfermé dans le stade. Les yeux qui checkent dans le vide tout seul. On est allé chercher sur le golf cart. Fait que match 1 qui était à Montréal, c'était le match l'après-midi à 1h, ça. Les estimes de match l'après-midi, là. Ah, on est vraiment pas bon. On est pas bon, on a des stats de marde. Fuck you, NBC, parce que c'est eux qui décident de la maudite arrêt, le calice. Esti. C'est pour ça qu'on joue à 8h et tout, qu'on se couche tout tard. Il y a Benoît Brunet qui disait, entre deux périodes, ah, une autre, quand on jouait l'après-midi, j'avais tellement les jambes lourdes. T'as tout le temps eu l'air d'avoir les jambes lourdes, Benoît Brunet. Il a déjà été bon, Benoît Brunet. On le bâche pas mal. Mais pas longtemps. C'est un compteur de 20 buts. Là, pas comme Brian Bellows avec 63. Brian Savage. Brian Savage. Brian Bellows avec 63 de vitesse dans NHL. Ah, mais il comptait les buts. En tout cas, moi, j'ai commencé la game bien craqué. J'étais comme yeah, Canadiens Rangers, ça va être écœurant. On a fait casser. Ouais, je l'ai pas mis non plus, mais notre party s'est fait casser assez rapidement. Oh, man. Première période. Ouais, première période. Est-ce que il y avait eu des buts avant que Kreider blesse Price? Deux buts, ouais, rapide. Deux buts vraiment rapides. Après ça, Kreider rentre dans Price. Sacrilège. Puis là, c'est les deux derniers buts à 49 secondes de la fin, man, mon gars. C'était meurtrier. Ah, ouais, c'est... Mais tu voyais que Price, il était pas correct aussi. Surtout le dernier but qui s'est compté à deuxième. Là. Ah non, mais il était même plus capable de coller son poteau. Il est juste tombé en pleine face quasiment à la fin. Puis Non, ça c'était vraiment le désespoir. Quand je l'ai vu se relever, quand je l'ai vu se faire blesser, je disais non, là il s'est pogné le genou, mais après ça, tu vois patiner, je dis ok, peut-être correct. Mais là après, quand la troisième a commencé, il était pas là. Il était sur le banc. Là, moi, quand j'ai un des pessimistes, la série est finie. Ouais, moi aussi, c'est vrai, ça, j'ai dit. Là, comme parce qu'après ça, c'est comme réaction de Fefan pour vrai. Je l'ai eu moi aussi. Encore aujourd'hui, je pense que les Rangers ont gagné. T'as besoin de ton goaler. Mais gars, enlève Lundqvist. Enlève Crawford ou enlève Quick. On va te dire franchement, dans ces quatre goalers-là, là, tu le perds. Là, faut que ton team se rallie comme jamais. Ouais, bon, en même dire, temps, tu pourrais gagner. Parce que hier, on a vu que c'est une bonne game. Mais là, les Rangers ont venu vraiment fort. Puis, man. Mais en même temps, là, on a monté Tokarski à la place de Boudère. On en reparlera tantôt. Mais c'est le temps pour un jeune de. Enfin, ça marque quasiment de jouer le héros. Ça la Roy ou la Chris Penny. Ben ouais, Penny. Ouais, c'est ce genre ça. Mais écoute, ce goaler-là, il jouera jamais dans la ligue parce qu'il est trop petit et c'est plate parce que c'est un bon goaler. Il joue bien sa position. Mais tu sais, je le dis, si tu le regardes jouer, là, avoue qu'à chaque shot, man, t'es... Ben c'est quand même un goaler des mineurs, c'est sûr. Là, pis, mais il... Ah, mais il est petit. Pis mais il nous a pas coûté de game à date, par exemple. Il y a eu des buts faibles. Ouais, le but de Nash là, dans le deuxième game. Le but de Nash dans le deuxième game. On verra le deuxième game aussi, là, mais ok, regarde, avant, on ne sautera pas les étapes. Ok, au match 1, Boudin. Parlons de Kreider. Fucking mad. Kreider, c'est un récidiviste. C'est le troisième goaler qui blesse cette année. Exactement. C'est 5 fois que ça arrive, mais il en a blessé 3, c'est 5. Cette année, là, en plus. Ouais, cette année. Fait que, tu sais, il n'a pas été accroché, il n'a pas eu de tripping, ouais, il est tombé. Il passe trop proche. Il crash de net, puis des fois, il est passé de côté sur Fleury, c'est le coup de coude dans la face. Ou il l'accroche, c'est parce qu'il est un peu avancé. Fleury, ça, il y en a, je pense, deux hits dans le même. Il a blessé Anderson. Mais Price, il a fait aucun effort pour l'éviter ou passer à côté. Il est rentré patin devant. Ouais, mais c'est comme pas l'équilibre. Pourquoi tu perds l'équilibre? Il n'y a pas personne qui touche, c'est quoi? C'est pas patiner dans la Ligue nationale, là. Puis tu tombes les patins par en avant, c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux à faire? Même tous les joueurs disent tu tombes jamais les patins par en avant. Tu vas blesser quelqu'un. C'est dangereux pour toi, puis c'est protégé, c'est dangereux pour quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça que, regarde, c'est nébuleux. Je dis, c'est intentionnel. Non, mais peut-être quelque chose que tu changes dans ton style de jeu, mon homme. Parce ouais. que là, regarde, tu vois qu'il y a un problème. Là, c'est, tu sais, je veux dire, c'est beau crasher le net, mais là, tu le crashes un petit peu trop. Là. Puis il n'y a pas eu d'amende, pas de rien de, par rapport à ce geste-là, parce que c'est considéré comme accidentel par la Ligue. Parce la Ligue le protège ça un mais peu. Mais même nous autres, on peut pas dire que c'est intentionnel ou accidentel. Même les joueurs, non, on sait pas. Mais la blessure à Price a été arrivée pas par l'impact du patin, mais c'est parce que son pied est resté pogné. T'as vu le genou aller du mauvais sens. Parce qu'il a collé son poteau, puis son patin était contre le poteau, puis quand il est rentré, ben là... Puis le net décolle pas automatiquement, si le net avait décollé dessus. Il y a une pin en dessous, là. C'est sûr l'impact, c'est plus ça. Ça devrait faire mal un petit peu, là. Disons que son genou a bougé un petit peu, c'est sûr et certain. Il va-tu revenir pour la dernière série? Moi, je... Supposément, qu'est-ce qui se passe, c'est que Tony Marinaro disait ça, il était à 75%, c'est Sport 990. TSN 990, ce gars-là, il est quand même assez respecté du côté anglophone. Puis, supposément, il est à 75-80%. Il okay. pourrait jouer. C'est juste que s'il se blesse, il est out pendant un an. Ouais, c'est ça, là. Fait que la direction du Canadien a fait comme, écoute, c'est soit que tu reviens, si tu te blesses, mais la saison prochaine, on ne voit pas Price. Ou sinon, ben... T'es aux mains de prendre... T'es choisi. Ben, moi, je laisse Price sur le banc, là. Je veux aussi aller pour la Coupe cette année, que peut-être que t'auras pas... Puis tu perds un an, puis l'année prochaine, c'est sûr que tu l'as pas. Ça arrive en finale, t'aurais-tu fait de quoi de différent? C'est ça qu'ils disent, peut-être qu'en finale, il va revenir, parce que là t'as la chance de gagner la Coupe cette année. Mais t'es quand même à 80%. Quand t'es un jeune goaler qui est à 100%, qu'est-ce que tu fais? C'est l'expérience par rapport à la jeunesse. Mais là, c'est ça. Going for, tu vas-tu pour la Coupe ah, ou tu vas pour la saison prochaine? Ça va être une décision de coaching. C'est là. Marc Bergevin. Non, c'est Marc Bergevin. Ah, c'est Bergevin. Ça va pas juste au niveau Michel. Ah ouais. À ce point-là. Ben là, c'est le futur de la concession pendant un an. Faut que t'ailles chercher un goaler. Il y a des impacts. Là, faut que t'ailles chercher des joueurs. On a quand même beaucoup de backup en tant que goaler qui s'en viennent les prochaines années, mais c'est, en tout cas. Pas rien du niveau, tu sais. Non, pas rien de Price. Faut que t'ailles signer un agent libre, un goaler agent libre. Tu peux pas prendre Boudaille, ni Tokarski, ni l'autre Penner. C'est quoi son nom? Dominic. Dominic, ouais. Pas prête, là. Non. Meyer, on l'a libéré. Ouais. Tu sais, ça fait qu'en tout cas. Décision. En tout cas, écoute, ben Kreider, tout ce que j'ai à dire sur lui, c'est ceci. Qui mange de la calice de merde, c'est qui a chier, qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui a chier. J'aime ça le bon qui rit en arrière. Ouais, mais c'est comme un extrait radio parce que c'est des affaires. Hein, je sais. Comme, en tout cas, c'est Gilles Brou, t'es pas invité à la soirée du podcast. Non. Sûrement en voyage. Sûrement en voyage. Fait que match 2, l'entrée en scène de Dustin Tokarski. Quel message on envoie à Peter Boudaille en amenant Tokarski à la place du deuxième goaler? Ben. Est-ce que on va revoir Boudaille l'année prochaine? Ben, il est encore un an de contrat. Soit on le rachète. Mais Boudaille, c'est tout un team player. Hein. On l'a vu, là, il est allé célébrer la victoire hier. Boudaille, là, il a joué 3 games en série dans toute sa carrière. Okay. Il a 0 victoire, 3 défaites. Ouais. Une moyenne, genre. Ouais, puis il n'a pas été très bon en remplacement de Price non plus. J'exagère, là, mais c'est vraiment une moyenne élevée. Puis un taux d'efficacité ultra bas. Puis, gars, il l'a prouvé, il a laissé 3 buts quand même, vraiment, papapac. C'est pas un gars des playoffs. Tandis que Tokarski, il a gagné partout. Il est là pour remplacer quand il n'y a pas de stress, puis c'est comme. C'est ça, tu sais, il joue sa game, mais là, c'est pas un gars de playoffs, puis il a jamais joué dans les playoffs. Il a jamais joué dans le championnat mondial dans les games qu'il aurait gagné. Il a jamais joué dans la Coupe Calder. Il a pas eu les épreuves de gros stress. Jamais joué dans le junior, gagné. C'est ça, Tokarski, lui, il a joué là-dedans. Il a gagné le championnat mondial junior. Oh, ouais. Il a gagné la Coupe Calder. Il a gagné Tokarski, là. Ben, il a joué des games de série, même dans les juniors, dans son. Ouais. Que Boudaille. Tu sais, fait que c'est plate à dire, mais Boudaille, c'est pas un goaler de série ou de games sans lendemain. Fait que. Oui, c'est une pelouse qui est dure à avaler. J'avoue que. Ça reste à des. Tu sais, je sais pas, je serais Boudaille, je serais en crise. Quelqu'un dans le chat nous dit en expérience, Price ne s'est pas rendu non plus en semi-finale ou en finale. Peut-être pas, mais Price, Chris a gagné. De quoi? Que Price n'a jamais gaulé en demi-finale ou en finale. Ben là, Price a gagné la médaille d'or. Il a gagné la médaille d'or aux Olympiques. C'est Price a gagné le quart d'heure. Cette année, en plus. Price a gagné le quart d'heure. Ouais, Price, c'est pas ses premières. Le joueur à Syrie, il était pas bon. En Syrie, dans la Ligue nationale, ça, je l'accorde, il y avait un dossier perdant. Ouais. Mais sauf que vous rappelez pas le championnat junior, championnat mondial quand il y avait junior justement, quand il y avait des shout-outs contre les States, mais c'était fou ça. Ah oui. Puis après ça, il a gagné la Coupe Calder avec Fredericton ou comment ça Hamilton. Hamilton, puis il y a. C'était Fredericton à ce temps-là, mais en tout cas, Hamilton. Il gagnait médaille d'or cette année là, en plus, là. Il est dans son prime. Ouais, ouais, présentement, c'est, ça, là, c'est sa bonne saison. Il a vraiment gaulé très bien toute l'année. Il était en contrôle de ses moyens, Price. Là. Il nous a pas prouvé qu'il était faible ou qu'il fallait l'enlever. enlevé là, dans cette série-là. C'est ça. Dans la série qui s'est rendue plus loin, les Canadiens, c'est Akalak là, qui s'est fait enlever dans la première saison. Ouais, c'est vrai que dans la Ligue nationale... Akalak a fait un Tokarski lui-même. Oui, c'est ça, exactement. Price ou Tokarski. C'est ça, c'est Price ou Tokarski. On peut changer Price, là. On n'a plus besoin de Tokarski. C'est ça qu'on va commencer à sortir. J'espère que non, là. Ah, c'est sûr, il y en a, man. C'est sûr qu'on va en avoir. Ah, Dust in the Wind. Mais Game 2 qu'on a également perdu, puis là j'étais très très défaitiste de ça. Après celle-là, ça c'est fini. Là. Le Canadien a joué sans énergie. Premier but, mais moi je regarde souvent juste quand les Rangers ils buzzent dans la zone du Canadien, souvent je regarde juste le goaler, juste voir comment il est. Moi je regarde même pas les passes qui se font, je regarde juste, mettons, Dustin Tokarski. Puis, tu sais, le premier but, je vais lui donner, ça a dévié sur Georges. Ouais. Parfait. Ça, c'est beau, c'est pas de ta faute, mon homme. Deuxième but était faible. Deuxième but, Price l'a arrêté. Ouais. Là, j'étais comme fuck. Parce que là, tu vois comment il est petit, puis comment il couvre pas de filet. Le troisième but et tout, tu vois qu'il est à genoux. Man, pour de vrai, il y a comment dire que le troisième but, c'était pas tant de sa faute. Non, mais il y a trois pieds, man, de côté du filet. Tu vois, la lance disponible. Oh my god. Faut que ce gars-là soit placé en crise. Mais il y aurait un de ces deux derniers buts-là qui aurait été arrêté, mais même à ça, ça donnerait 2-1 pour Rangers. Mais ça aurait été 1-1. C'est ça le problème, ça aurait pu... Non, mais en tout cas, peut-être, là, mais même à ça... Non, ça va jamais, c'est la spéculation. T'es en playoff, tu gagnes pas des games par un but avec un seul but dans la game. C'est, l'attaque, il y a quelque chose, là, où c'est le mystère Lundqvist, là, présentement. Ben là, ce Lundqvist, ce match-là, à la fin de troisième, pardon, on a dominé ce match-là. Puis, on a dominé en troisième, puis... Ah, on a fait 40 quelques buts, là. Ah, puis 48 tirs, on a fait la même, puis c'était fou, ben raide, là. Puis, ouais, ben c'est ça, il y a... Lundqvist l'a volé, puis comme Price a volé d'autres games avant. Mais Tokarski, là c'est là que j'ai eu, moi tout j'étais défaitif là-dessus. Je dis, ah, oh, man, ce petit gars-là, j'ai dit, malgré qu'il est bon, je l'aime, je dis, il ne fera pas gagner. Non. Il peut pas gagner avec. Puis hier, jeudi, match 3, là, je me suis dit, ok, là, aujourd'hui, ça passe, ça casse pour le Canadien. S'ils perdent, c'est fini la série. Oubliez, c'est 3-0, on perd. 3-0, c'est fini. Finalement, on a gagné 2 puis en prolongation. Là, on a été chanceux. Ils ont joué vraiment moins bien que le match numéro 2, puis on l'a gagné. Hey, c'était tout croche. En première période, 14-6 contre 4. Là. Ouais, puis il y en a un là-dessus que c'est Souban qui a tiré de sa zone, même, puis ça a pogné dans le coup. Ça a compté. Tout, ça, comme, pour de vrai, c'est 3 tirs là-dessus. Il y en avait 2, c'était Pacioretty, 2 chances de marquer, par exemple. Mais si, voilà, que c'était tout croche. Puis ça, là, Weaver, dans ce game-là, c'est comme, hey, enlève-moi ça de c'est là, bizarre. Il y a des matchs, le Canadien joue tellement bien organisé, puis ils sont tellement performants, puis il y a des matchs, c'est n'importe quoi. Là, c'est... Hier, c'était du manque d'effort. Vraiment, là, sur le bord des bandes, là, quand à un moment donné, t'es pas comment en train de faire du manque d'effort en finale de conférence. Tu croches, je comprends pas. Ils font une petite crise de passe, moi, sur le bord de la bande, en place de donner. Je sais que tu ne veux pas faire un dégagement refusé, mais il y a un milieu, tu sais. Fallait pas des fois où il y a vraiment eu un manque d'effort, mais tu sais. Me semble rendu aussi loin dans les playoffs. Ouais. Donne l'effort, là. Toutes les games, t'es. Là, Tokarski a brillé, puis là, c'est là que ça fait comme. Ouh, l'enfant, il est bon, tu sais. Mais c'est ça que ça le fait, tu sais. On est tellement émotionnel. Là. C'est comme un roller coaster. On est des feu-fans. On est des feu-fans. Ben, on est. Ouais, effectivement. J'aime pas l'expression feu-fan. Ouais, moi non plus. Moi, ça tient ça à cœur. Non, mais on aime ça. On est émotivement intéressé par le Canadien. Puis là, ma femme descend. C'est juste du hockey. T'as l'air. J'ai eu ça. Shut up, par mon temps en haut, toi. C'est juste du hockey. C'est pas juste du hockey, mais oui. C'est juste du hockey. Il n'y a rien à faire. Ouais, mais je veux mettre en crise. Ça me fait sortir les émotions. Ça me fait chier que les Canadiens perdent. Je veux le démontrer. Ben, hier, on était supposé de la perdre, cette game-là. On a failli gagner en troisième. Je pense vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec Pross. Pross ou Stéphane. Ouais. C'est quoi? Stéphane. Stéphane? Stéphane. Stéphane. Stéphane. En tout cas, whatever. Il n'y a pas de 2P, 3H. Puis... Non, c'est S-T-E-P-A-N. Stéphane. Stéphane. Fait quoi, finalement, il a cassé à mâchoire. C'était vraiment intense. Ouais, je comprends pas. Parce que. Vous, je trouvais pas que c'était si un gros hit. Ben, il y a eu un hit tardif de Pross. C'est sûr, sur c'était Stéphane. Pénalité. C'était de l'obstruction carrément. Suspendu deux matchs. Ouais, suspension de deux matchs, il est tombé aujourd'hui. Ouais. C'était bizarre, c'était late, c'était douteux. Je trouve qu'il a fait la maudite suspension parce que finalement il a eu la mâchoire cassée. Puis ben, il a été opéré. Comme, je pense pas qu'il disait ça sur Facebook aujourd'hui. Ouais, que la NHL punit la conséquence et non le geste. Là, c'est... Sinon, s'il n'y aurait pas eu de blessé, puis rien. Il y aurait probablement une amende ou un avertissement, peut-être, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'était. Yeah, pour de vrai, c'était un late hit, oui. En même temps, ça les a vraiment fucké, par exemple. Je trouve que ça a sorti Rangers pendant un bout dans le. Ça a mis le ton aussi à la game. Après ça, c'est. C'était hot. La game était le fun. Là. Il y avait de l'émotion. Puis après ça, que Dorsett essaie de se battre. Puis il se fait planter. Il n'a rien fait. Il fait juste tourner en rond. Puis en perte d'équilibre. Même ouais, à un moment donné, il peut se relever. Il y a cette game-là aussi. Il y a Carcio qui a frappé un arbitre. Ah ouais, ça, c'est... Tu perds les pédales pas à peu près. Hey, faut... Pour donner un coup de coude à un ref, là, faut vraiment que... Pousser, puis refuser, puis tout, man. C'est vraiment, là, t'es vraiment fucké. Ça va pas d'heure, mais Chris, les refs sont forts, là, pareil, pour pogner le gars, puis l'amener jusqu'au moment des pénalités. Il l'a poussé dans le banc, là, il était là, puis il le poussait, puis il crissé dans la porte, là. Ah, les juges de ligne, c'est des gars en forme. Faut dire, ils séparent les batailles, puis tout, là. Sont forts, quand même. C'est pas comme les arbitres. Tu sais, Marc Joannette, il est pas aussi fort. Non. Les gars, les linesmen, souvent, tu vas regarder, sont souvent plus gros, puis ces autres c'est qui sont là pour intervenir. Ils sont le temps le mieux des batailles. Ouais, 10 matchs, écoute, vraiment. Ouais, 10 matchs, ouais, mérite. Fait qu'il est comme out pour la série complète. C'est plate à dire, mais qu'est-ce qui est intéressant pour le futur? C'est que là, présentement, Derek Brassard est blessé. Brassard est blessé. Stéphane est blessé. Stéphane est blessé. À moins qu'il joue avec un full face. Je sais pas, il s'est fait opérer, ça se peut qu'il ne peut pas jouer au prochain match. Il va revenir. Il s'est fait opérer aujourd'hui. Ouais, fait que je sais puis, pas. Puis Carcio out du game, fait out pour le reste des playoffs. Brassard et Stéphane, c'est les deux meilleurs centres. Ouais, okay, ça peut être intéressant pour les prochaines games. Ouais, écoute, c'est plate à dire, mais karma's a bitch. Ouais, on a perdu Price, on avait perdu 3. Mais ça a tiré pas mal, man. Oh non, non, non, surtout pas en playoff. Non, c'est quoi tout bad. S'ils pouvaient les étamper un par un, je serais bien content. Puis... Effectivement. ouais, fait que j'avais autre chose à dire. Ben, Galchenyuk qui a joué les héros en prolongation. Galchenyuk qui est revenu dans la Ligue Mère. Je les aime les jeunes cette année pour de vrai, man. Ouais, c'est eux autres bon qui ont toujours du cœur au ventre. Ouais. Les vétérans, c'est eux autres, des fois, qui dorment un peu. Puis par exemple, les jeunes Gallagher, Galchenyuk, Bournival, ben Subban, ils jouent moins bien depuis qu'on joue contre les Rangers. Il a coûté un but. Tu parles des vétérans, là. Genta, on peut-tu pas le ramener? On peut-tu changer de capitaine? On peut-tu... S'il coûte pas cher, je sais pas. On peut le garder. Gosse un peu. Ben, il y a une éthique de travail, ce gars-là, tu peux pas y reprocher. Ah, quand même, là. Il joue quand même bien, c'est juste que ça... T'amènes presque à jamais rien. Mais tu sais, je veux dire, il est bon à forecheck. Il a des bonnes affaires. Je pense que c'est un bon leader, mais... Ouais. Écoute, s'il coûte pas cher, pourquoi pas? Il veut finir sa carrière ici? No problem. Je donnerai. Fait que la période est finie, Alex. Pour ouais, encore... On pensait avoir manqué de stock, finalement. C'est comme d'habitude, on a trop d'affaires à dire. On passe même à deux. Notre plus, notre moins des trois premiers matchs canadiens Rangers. Là, j'aurais un peu de la misère à le faire, celle-là. Si, boy. Je vais mon moins à Vanegue encore. J'ai l'impression lisse, là. C'est trop facile. Mais d'ailleurs, entre la première et la deuxième période, on a eu une question sur Twitter de Jean-François Mallette qui nous demande est-ce qu'on signe Vanegue l'année prochaine? Après ce qu'on a vu présentement de lui en playoff? Non? Non. Tu laisses partir. Je pense que. Parce qu'on a vu des belles choses en saison. Il peut t'amener en playoff. Ouais. C'est un gars qui peut donner assez de points pour aller en playoff. Je pense qu'avec les jeunes qu'on a, l'équipe qu'on essaie de bâtir, c'est pas un gars qu'on a besoin. Marc Bergevin, je pense, veut une équipe de caractère. Puis juste ce qu'il est en train de faire, tu vois qu'il n'a pas de caractère. Je pense qu'ils voudront pas ça dans l'entourage de l'équipe. Probablement pas. J'ai l'impression qu'ils vont le laisser aller. Je pense qu'ils vont laisser partir. Regarde mon homme, c'est beau. Va-t'en Minnesota si tu veux faire la palette puis être à côté de ta femme. Ça va libérer de la place en masse salariale pour peut-être avoir un bon. C'est 7 millions. Quand même. Puis, tu joues 7 millions puis le mettre sur le quatrième trio. Ils pensent même de le mettre de côté puis ils peuvent pas parce que tu peux pas mettre un joueur qui gagne 50 millions sur le banc, parce que sinon, si tu veux signer un autre joueur plus tard qui vaut 50 millions, on va dire fuck you, t'as déjà mis un autre gars sur le banc, je ne voudrais pas jouer pour vous autres. Fait que ça, tu peux pas faire ça, mais. Il y a plein de commentaires dans le chat room, je suis désolé, je peux pas lire le commentaire en même temps, on est juste deux, fait que je peux pas mettre mes yeux partout. Parlez-vous entre vous autres. On peut un petit peu un extra. Là. On checkera tantôt, là. Je regardais dans la pause ce qui s'est dit parce qu'il y a beaucoup de dialogue. Des petits points comme ça. Bon, mais on a encore des petits souvenirs de Gomez dans la série contre les Rangers. On se fait-tu rappeler à tous les matchs, tu sais? Ah, c'est Ryan McDonough dans la transaction avec Gomez qui produit en fou. Oh mon Dieu! Merci, Bob. Merci, Bob. Belle merci, legacy. Merci, Bob. Ah, Bob. C'est calice. Qu'est-ce que c'est quoi tu penses? Oh my God, c'est... Man, ça, le Gomez, au moins, ce qui peut peut-être nous réconforter, c'est que... Chris, qu'il y a des DG dans la ligue présentement qui font des moves d'imbéciles. On va le voir en troisième période. Là, mais aïe, aïe, on n'est pas les seuls à avoir eu des mais affaires. Imaginez-vous juste une seconde. Subban puis McDonough, c'est la même ligne. Il y en a un qui est plus défensif, McDonough, mais les deux, man, sont comme. Oh, tu serais pas un peu bandé. Hein? Beau, tu serais un petit peu bandé, McDonough. Là. Ah, c'est sûr. Puis tantôt, tu t'en as parlé rapidement. Le Canadien a libéré le goaler Robert Mayer. Ouais. Robert Mayer. Robert Mayer. Encore là. La Ligue américaine, je pense qu'il va rester dans la Ligue américaine, à moins qu'une équipe. Il est grand, fait que ça va lui donner. Il est gros. Fait que peut-être qu'il y a une équipe qui donnerait une chance comme deuxième. Peut-être, troisième. Là. Bon, j'avais comme net à côté. L'année de Boudin à Montréal, on en a parlé un peu tantôt. Là, je pense qu'il va rester. Ouais, parce que je pense pas. Il reste un an, puis genre, il joue 10 games, 20 games par année. Tokarski est probablement pas prêt encore à être numéro 2. S'il fait le club, comme tu dis, peut-être trop petit. Je sais pas. Parce que là, il nous montre des belles choses en playoff, mais c'est juste deux games. Tu sais, c'est. Tu prends ta chance. Tokarski a été entarté après sa victoire. Ouais, c'est ça, le crème à barbe. Ah, le gros kit, là. Par Gallagher, un autre jeune. Par Gallagher, ah ouais. C'est Gallagher qui a fait. Mais c'est alors, bon, j'aime l'ambiance, c'est correct. Tout le monde, ouais, monde sont contents, puis good game, merci. Parce que... On a vu aussi dans les pratiques, la journée du match 3 qu'on a gagné, que les jeunes, puis tout le monde riait sur la glace. Ah, ouais. Tout le monde s'en calissait, mais pas non, de stress. Non, ils sont reboqués. La pression est sur plus sur eux autres. Regarde, tu sais, on parlait de Lavigneault qui disait que le Canadien, c'était américain. À cette heure, la pression vient de chiffrer. Là, la pression, c'est Rangers de finir. Comme pour Canadien. Boston, la pression a shifté quand Boston a les devants 3-2. C'est ça. Ils ont chié dans la pelle. Là, la pression est sur eux autres parce que là, le Canadien dit gagne, nous autres, on n'a plus rien à perdre. Là. On a perdu le meilleur joueur. Fait qu'il faut juste jouer comme des fous puis essayer de gagner. Ouais. Fait que, ça va être à voir. J'ai hâte de voir le prochain match. Le prochain match, c'est un do or die again. On est do or die. Ben, jusqu'à tous la les matchs jusqu'à la fin. Là, ah, si tu perds le prochain, c'est fini. Do or die jusqu'à la fin des playoffs. Point, je pense. Là. Ben, c'est pas si on a rendu à la fin, t'as pas le choix. Ouais, la coupe, là, c'est coupe, comme... c'est do or die. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être intéressant. On est quand même, pour aller dans le positivisme en fin de période, à 7 victoires de la Coupe Stanley. Ouais. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça. Ouais. Ça fait quand même très longtemps. Puis, ben, dernier petit commentaire. Check bien la quantité de plug que je vais faire là. Hier, j'étais à la soirée Papa Cassette au Funzo pour une réunion de RZO. Oh. Et j'ai parlé avec Max Paiement de le dernier des podcasts. OK. J'en ai fait du stock là. Mm-hmm. D'ailleurs, Papa Cassette, dernier du podcast, RZO. Trop nouveau. OK, j'ai tout ça de plugué là. Okay. Il me disait que, apparemment, que les termes blessé haut du corps, bas du corps, ça a été popularisé par Guinness avec le Canadien. C'est lui qui a commencé à pas dire où est-ce que les joueurs étaient blessés spécifiquement. C'est vrai. Avant, il disait une jambe. Blessé à la jambe, blessé au bras. Ah non, il est blessé au haut du corps. Et... Ouais. C'est vrai que c'est le Canadien qui a amené ce genre de formule-là de pas dire ce qui se passe avec le joueur. Puis... L'air gainé. Ça fait quoi? Dans le temps, j'avoue que peut-être que le joueur. Pourquoi? Parce qu'il pense que le joueur va cibler ça. Ouais, c'est comme ça. Il est blessé à la cheville. Il est blessé à la cheville. Je sais pas, peut-être. Tu sais, on est dessus. C'est juste un commentaire de même là, qui. Mais c'est fou. Vous devriez, oui, mais je suis pas d'accord avec ça. Il devrait le dire. Mais... Ah, puis hey, justement, là, Pross, sorti de deux games, tu ramènes-tu Bournival? Ouais, oui. Ça prend la vitesse contre les Rangers. Ah, ils sont vite en esti. Ouais, fait que ça, c'est quelque chose que je peux donner aux Rangers. C'est asti qu'ils sont vite. Ah, ils jouent. Aglin, il joue le tabarnak. Là. Ce gars-là, il passe sa zone, il est en train de défendre. C'est carrément. Pas d'allure, là. Deux fusées d'impact. Pour de vrai, je suis comme, man, ils sont vraiment rapides. C'est pour ça qu'au début de la première game, on s'est fait shafter. Complètement, on n'était pas prêt à ça du tout. Waouh. Je sais pas si s'attendait de quoi de physique ou quoi, mais ça. Ils sont tout le temps 4 dans leur zone. Ils sont 4 dans leur zone. 3 en échec avant. 3 en échec avant, 4 dans leur zone. Ils sont très what the hell, en tout cas. On pourrait en parler encore plein. C'est plein. Les Rangers qui jouent pour Martin Saint-Louis encore, puis sa mère qui est décédée. Là. J'ai pas de commentaire à dire. Je pense pas que ça va les rendre jusqu'en finale. Là, mes sympathies. Mes sympathies, Martin. T'es invité à la soirée du podcast. On peut en parler si tu veux. Bon, fait qu'on va aller faire une deuxième entraque, puis on vient pour la troisième période avec ce qui se passe dans la Ligue nationale. Lundqvist, vous voyez, Lundqvist, il a déjà eu une affaire de 5-0, puis il a perdu 6-5. Ouais, tout est possible, mes amis, tout est possible. Lundqvist, faiblesse à Montréal. Ah, il est pas bon. Mais... Ben, en tout cas, sauf dans les deux premières games. À part pendant les séries. c'est ce qu'on a vu. Pas pendant les séries. Caillez-vous. Costitine, la mafia russe. Ils ont même plus la. Le goulag à gay, tout. Le goulag, ouais, ben, une pour Martin. Ça. Et voilà. On l'a dit, une gaiserie à la marque. Ouais. On s'ennuie, toi, Marc. Et on est de retour pour la troisième période. Et c'est maintenant le tour de faire le tour des nouvelles de la Ligue nationale. Around the NHL. Autour de la LNH. On passe les points séparément, ben je vais. Fait que troisième période autour de la LNH. Ceux qui sont dans le chat, vous pourrez nous donner des sujets si vous en avez. Mais sinon, moi j'ai une belle liste ici. Commençons tout d'abord par encore une fois le Canadien. Marc Bergevin qui est en nomination pour le DG de l'année. Et j'espère qu'il va gagner. Pour de vrai. En nomination avec Dean Lombardi et Bob Murray. Je sais pas si c'est les DG de quelle équipe, par exemple, eux autres. Bob Murray, c'est pas les Sharks. On a l'air de deux imbéciles en ce moment. Bob. Dean Lombardi, c'est LA, je me trompe pas. Les Ducks, Bob Murray. Ah, bon, je suis proche, je suis dans la Californie. T'étais dans le bon coin. Dean Lombardi, c'est calice, je sais pas. C'est dans l'Ouest, c'est sûr. C'est le DG des Kings. Ça, ouais. C'est dans l'Ouest, les deux. Fait que Marc Bergevin, c'est le seul dans l'Est. C'est un bon compliment de Mario Lemieux, Marc Bergevin. Quand Chrissy Ratio, d'ailleurs, il a dit que son équipe aimerait ça qu'il soit comme. Il devrait faire comme le Canadien. C'est bâti comme Marc Bergevin est en train de bâtir le Canadien. Puis il a dit, il trouvait ça drôle. Il a développé là-dessus, Lemieux Non, mais il a juste dit, bâtir sur les jeunes, c'est quoi ou l'attitude de l'équipe. Basé sur le, comment que le Canadien est fait présentement. Vitesse. Là, on a un bon, une bonne balance. Ouais, quand même. Jeune, vétéran, vitesse, robustesse, bon gardien de but. Mm-hmm. Je vais te dire, tu regardes, on n'est pas bâti pour, avec des échanges beaucoup. Là. Présentement, non. On est bâti vraiment à partir de... Du repêchage. Ça, puis, exactement. Ouais. Puis, gars, c'est ça. La Trevor Timmons. Exactement. Ben, pour de vrai, ce gars-là... Faites une bonne job. Hey, là, c'est l'année qu'il a pêché Price, qu'il a pêché McDonald's, puis il a pêché... Ouais. C'est comme tabarnak. Hein. Cette année, il a fait 3 home runs. Ouais. Pêché McDonald's, puis il a pêché Subban. Ouais, c'est c'est juste McDonald's qu'on a perdu, malheureusement. Ouais. Mais gars, je pense que Marc Bergevin il a prouvé que juste cette année, il a pas vraiment... Hey, Del Weiss, juste Weiss, Weaver, Weaver, ouais. Vanek, c'est un gros hit là, d'aller chercher, je veux pas, même s'il n'est pas super même bien. Même s'il donne pas les résultats. Mais juste le monde que t'allais chercher, que des équipes voulaient pas, puis que tu vois comment ils nous aident en série, c'est que man... Il, ah, Weaver puis Weiss, surtout, là. Il y a une bonne équipe en arrière de lui, là. C'est pas ouais. Juste lui, tu sais, c'est l'équipe. Qui utilise en même temps. En plus d'être le DG le plus stylé de la NHL ouais. Avec ses lunettes puis son petit suit puis ses danses. C'est drôle. Quand tu l'écoutes quand il faisait la conférence de presse, il est tellement honnête. Ce gars-là, il est comme. Il ment pas. Tu l'as-tu vu aussi aller faire des hugs aux joueurs après? Ah, ben, ce gars-là, tu vois qu'il cares. Ouais. T'sais, c'est son. Tu sais, genre vraiment. Pas une face de plâtre, là. Il est encore comme un joueur, un peu. Tu sais, il fait partie du team puis il est comme. Ouais, il a joué pour les Whalers, lui, ou je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il a joué, genre, je pense, pour Nothing. T'as pas un grand joueur. Le tiers de la ligue. Non, mais par exemple, c'est un joueur d'équipe, il est allé chercher parce que c'est un bon vétéran de vestiaire. Un bon petit gars de Pointe-Saint-Charles. Ouais, qui a pas vécu ça pendant 28 ans, mais il est né là. Hey, aussi, je l'avais pas dans ma feuille, mais as-tu vu l'entrevue de Subban avec. Pierre Maguire. Pierre Maguire. Il donne un bec. Il donne un bec, il est comme Yeah, baby! Il donne un bec. Yeah, baby! Il commence en sortant en troisième ronde en finale de l'Est. Yeah, baby! Il donne un bec, puis il est crampé. C'est hot, ça. Ouais. C'était carré, ça, c'est parfait. Tu vois qu'ils sont de bonne humeur. Ils ont du fun, là. Ben, Subban, en plus, c'est un joueur que t'as pas ailleurs vraiment dans la ligue. Il est vraiment dans une classe à part. C'est une bébite, ce gars-là, dans la NHL. C'est souriant, si. Puis ça prend un gars de même pour relancer un peu la ligue. Puis ça benché par le coach, ça en fout, mais le lendemain, il joue une bonne game. Hey, ouais, ce gars-là, man, vraiment. Signez-les 8 millions par année pendant 8 ans, je m'en encore. C'est cher. Oh, qui va coûter cher. C'est cet été qu'il signe, ça, ou. Ouais. Faut faire un épisode spécial avant le début. Il est agent avec restriction. Ça veut dire qu'un team peut y offrir de quoi? S'il s'en va en agence avec restriction, ça veut dire qu'un joueur, une autre équipe peut lui offrir 11 millions par année pendant 8 ans, puis il faut que le Canadien y égale, sinon il perd. Ah ouais? Ouais. Wow. Philly avait fait ça avec un joueur de. Je sais pas si c'est Columbus ou Minnesota. Man, c'était vraiment là, c'est chien. D'habitude, les équipes font pas ça, OK? Parce qu'ils vont pas jouer dans les pattes un de l'autre, là, c'est chien. Mais Philly l'avait fait. Mais si une équipe décide de faire ça pour faire mal aux Canadiens. Il faut dire que les Canadiens, c'est une équipe riche. Là. Je pense pas que. Mais ça fait mal à ma salariale. Dans le marché qu'on est aussi à Montréal, tu peux pas te permettre de perdre un joueur comme Subban. Ça se peut pas. Ça, le monde se révolte. Voyons, on fait un feu une émeute. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'émeute à Montréal suite aux victoires du Canadien. C'est bon. Moi, on y pensait qu'à cause qu'on a éliminé Boston, qu'on était pour faire une émeute. C'est vrai qu'une année, ça avait fait ça. C'était niaiseux. Même gagner la Coupe. Plus sûr qu'il y aurait peut-être un émeute. Je sais pas s'il y aurait une émeute en tant que telle. Plus des célébrations. Est-ce que la ville s'est domptée? Je sais pas. Souvent, par exemple, mais ce qui arrive dans ces moments-là, puis ce qui est arrivé aussi. C'est des épées qui commencent, c'est des après épées ça, sont... ça grandit. Mais même à faire des manifestations étudiantes, souvent, c'est même pas du monde de ça. C'est des épées qui viennent foutre le trouble, puis ça passe parce qu'il y a sur le dos de la masse qui est là, qui est en train de festoyer. Puis, une foule, c'est stupide, hein? Quelqu'un qui nous dit deux commentaires dans la chatroom, que je suis pas mal sûr que c'est mort. Les pingouins, c'est les Yankees du hockey. Pourquoi que. Je sais pas. Okay. En tout cas, et autre commentaire, c'est Philly avec Shea Weber des Prédateurs. C'est ça. Merci beaucoup. Que tu parles. Ouais, c'est chez NST, ça. Ils ont été obligés. Ils ont égalé. Ils n'ont pas eu le choix. Puis c'était vraiment un assez gros salaire, mais ça faisait mal à cette équipe-là sans ma salaire. Ouais. C'est pas des équipes riches, ça, là. Puis alors, c'était un move. It was a dick move. Dick comme move, ouais. C'est un dick move on your part. Ok, bonne chance à Marc Bergevin. On te souhaite la victoire. Ouais, effectivement. Je te souhaite le trophée. Ça va dépendre peut-être si les Kings gagnent la coupe, mettons. Ça va à quel moment les votes sont passés, je sais pas. Là. Moi, j'ai aucune idée. En tout cas, okay, prochain point. Le point numéro 2. Point numéro 2, il faut encore une fois parler de Halak. C'est pas ma faute, faites-toi une nouvelle. Il y a des news tout le temps. Ben, Halak qui vient de signer 4 ans, 18 millions avec les Islanders de New York. Hey man, pour de What the fuck? Mais pauvre Halak, puis Pauvre Islanders. Non, mais tu pourrais parler que les Islanders, c'est une des pires organisations côté vestiaire, tu sais, de structure. C'est, que c'est une des problèmes des pires organisations au point. Ah ouais, mais il paraît que c'est vraiment dégueulasse jouer là. Puis le gars, il est pogné là pendant 4 ans, mais esti, il paye 4,2 millions. Ah, 4 millions et quart par année. C'est comme, il serait fou de dire non. Il va te causer la surprise. Ouais, ben écoute, pour le reste, il était bon pour les Blues. Les Blues, ils font pas confiance parce qu'il est pas capable de goaler au deuxième niveau. Ouais. Depuis qu'il a fait en 2010 avec le Canadien, il a jamais été capable de goaler de même. C'est genre once in a lifetime. Il rate sa réputation là. Ouais. Guard Snow. Tu signes pas ce gars-là pendant 4 ans, qu'il va en avoir plein d'autres. Tu vois avec la jeunesse. Oh, mais tu vois bien que Guard Snow, c'est pas ce qu'il fait. Puis DG de la Ligue, ici, man. Ça prendrait un genre de. Pietro, les... je le sais que pendant 20 ans, tu sais, c'est comme, hey boss, je te dis, man, il va gagner. Puis l'autre, le propriétaire, qui est un monsieur chinois que je ne connais pas. Oui. Son nom, mais tu sais que le gars-là, il connaît rien au hockey. Fait que là, il va le voir, je te dis, donne-moi 18 millions. Si on pouvait avoir les genres de Razzie de la Ligue au lieu les prix. Du monde poche, les Islanders seraient tout le temps là. Ça fait mettre des pays DG, pays organisation, pays propriétaire. Qui est encore à liste. Juste à côté des Rangers en plus. Tu veux-tu supplier ton marchand en deux? Là, mais c'est... supposément, ils vont avoir une nouvelle arena à Brooklyn. Ouais, ça va pas améliorer l'équipe. Ça, ben, ça va peut-être améliorer. Parce qu'il n'y a plus de joueurs qui veulent jouer là parce que c'est dégueulasse. Pas d'audience. Ouais, pas de... Ben, puis c'est comment t'appelles ça? Comme mettons, nous autres à Montréal, si on a le Centre Bell. Les facilities, là. Ouais, les facilities, tu sais, que quand tu joues en mode DG, on est un podcast bilingue. Ouais. On est fluent dans les deux langues. Les facilités. Fait que, là, ben, les aménagements. Les aménagements. En tout cas, ça. Tout ça, là. Ouais, c'est ça. Vous savez de quoi qu'on parle, là? Pas rien dit que ça, d'ailleurs. Une heure derrière toi, si tu veux. Mais, on va chercher. Donnez-nous 2 minutes. Sors ton dictionnaire des synonymes, je vais prendre mon Becherel. En tout cas, fait que. En tout cas, Alak se ramasse à New York. Fait que, après 5 teams cette année, on a finalement trouvé un. Bon, ben, quelqu'un dans le chat nous dit les Chinois, mais oh, les Chinois! C'est sûr, c'est mort. Fait qu'on risque de voir Alak plus souvent que dans. Ben, écoute. Ben, en tout cas. Mais Nabokov était pourri. C'est-tu dégueulasse? Mauvais. Ils ont pas de reste d'une équipe, à part John Tavares. Puis il y a Matt Molson, que je pense qu'il est agent libre cette année. Moi, il est agent libre. Tu peux le pogner, ouais. Matt Molson. Je sais pas si je vais signer avec. Ah non? Ben ouais. C'est à voir. Tu pourrais signer avec Montréal. Intéressant. Il serait blessé, par exemple. Ah, les joueurs se font blesser. On me sent qu'on est trop eu de ça. Ben, il y en a partout dans la ligue. Ouais. Ça devient dur sur le corps, la NHL. Prochain point. Oui. La retraite pour Timo Selanne, finalement. Ben, good for him. Belle carrière. Lui, il s'en va directement au temple de la renommée, j'ai l'impression. Là, Timo Selanne. Ce gars-là, man, qu'est-ce que Bruce Boudreau a fait cette année? Bruce Boudreau. En série, cette année, il l'a benché, man. Il l'a envoyé sur la galerie de presse. Tu fais pas ça avec Timo Selanne. Tu benches pas un vétéran. Là. Mais même, là, c'est Timo Selanne. Oui, c'est comme si, mettons, Mario Lemieux en fin de carrière. Mais va-t'en en haut pendant les séries, toi. Hey, ça dit quoi à ton équipe, ça? C'est comme, hey, man, worst coach. Il a fait deux. Hey, ouais, Bruce Boudreau, man, cette année avec les Ducks, il a fait deux moves épais, man. Puis c'est ça qu'ils ont perdu les séries. Premièrement, il a benché lui. Puis ils ont perdu. Deuxièmement, il a pris son. C'est comme si. OK, imagine qu'on a Price, on a Budaj, puis on a Tokarski. Il bench Price, il bench Budaj, puis il prend Tokarski pour goaler une game numéro 7 contre LA. Mais c'est exact. Il a pris Gibson, il a pas pris Heller, il a pas pris Anderson. Non, Anderson, S-E-N à la fin, pas le Anderson d'Ottawa. L'autre, là. Ouais, l'autre Anderson. Puis il met Gibson. C'est son goal parce qu'il a fait gagner une coupe de game. Il met Gibson un match numéro 7 dans la Ligue nationale contre LA. Hey man, sais-tu, t'es bien imbécile. C'est le worst coach move of the year. Vraiment. C'est vraiment le pire move. En tout cas, là, je vous en dis un petit. Puis là, c'est l'année, il a fini son année comme ça. Ça Koivu, je pense. Koivu, est-ce que c'est fini on aussi? Il revient-tu? Je pense pas qu'on va aller. Dois-tu le bar lui avec? On devrait le signer pour 1 an. Non. Pour le show value, peut-être. Pour un match. pour un match en fin de saison. Ils font ça au football. Tu sais. Ils signent pour un match. Comme ça, il prend sa retraite dans cette équipe-là. Il donne un contrat, genre de. C'est vraiment juste. Il donne un t-shirt. Viens faire la mise au jeu protocolaire à Montréal. Là, non, il l'a une fois, puis c'est fini. Il y a une question de la chatroom qui vient de la personne qu'on soupçonne être morte, qui nous demande si on voit Nabokov comme deuxième goaler à Montréal. Non. Pas assez bon, pas assez. Pas rien démontré. Tant qu'à ça, Tokarski, tu sais. Non, je parlais d'autre. Pourquoi j'irais chercher lui? Non, pas de raison de prendre Nabokov. Là. Non. Non. Je l'aime pas. Il est faible. Non. J'aime pas ta question. Que la réponse, c'est non. Je l'aime pas ta question. Tu ne travailleras plus jamais à Montréal, toi. Exactement. Bon, un autre point, Spezza aurait fait savoir aux dirigeants des Sénateurs qu'ils ne s'opposeraient pas à une transaction. Je pense qu'il veut un changement, il est tout seul. Spezza n'est pas content à Ottawa. Ben, il est tout seul. Puis ouais. Peut-être qu'il veut pas tout en... Peut-être, ben... Il veut pas traîner l'équipe. C'est ça, tu sais, transporter l'équipe sur ses épaules. Il veut pas d'une crowd qu'il faut qu'il se fasse dire quoi faire avant les games pour quand cheerer. Mais en même temps, j'admets pas ça, moi, tu sais. Je veux dire, c'est toi la vedette. Tu devrais aimer ça de l'équipe, c'est toi qui devrais transporter l'équipe. Peut-être qu'il veut plus la responsabilité. Peut-être. Il peut avoir bien des affaires, là. Peut-être qu'il s'entend plus avec le coach. Peut-être que. Peut-être, là. Peut-être, mais t'en parles pas dans les médias, me semble. Ça donne. Tu sais, s'il fait pas trader, lui, l'année prochaine, il y en a pas. C'est lui qui a. Ouais, mais. Ben moi, c'est moi ce que j'ai lu, c'est pas lui qui l'a dit aux médias. Ben, il a dit qu'il ne s'opposerait pas à une transaction. C'est ce que j'ai lu, moi. Fait que... OK. Bon, mais c'est, ouais, c'est une rumeur. Là. Quelqu'un a entendu dire que Spezza ne s'opposerait pas à une transaction. Peut-être. En tout cas, pas sûr que c'est sorti de sa bouche. Mais, c'est pas des nouvelles, c'est des non-news. Là, il ne se passe rien. C'est ben, juste c'est des oui-dire, ça. S'il se fait changer, c'est dans l'Ouest. Oubliez ça, on ne l'aura jamais ici. Tu ne trades pas un Spezza en l'Est. Quelquefois, je joue contre toi. Fait que ça, c'est bye-bye Spezza. Il pourrait la Écoute, je suis pas mal sûr que c'est Martin finalement dans le chat parce qu'il dit. Puis John Scott à Montréal. Il dit qu'il aime bien John Scott. Puis il dit aussi. C'est quelqu'un qui se fait passer pour Mark. Non, peut-être, ça se passe pas bien. Si c'est quelqu'un qui se fait passer pour Mark, c'est un fidèle auditeur parce qu'il sait très bien. Fait que la réponse c'est non. Non. Puis il dit cueillez-vous pour un match pré-saison à Montréal, deal. Ben certain. Viens t'en, viens jouer avec les jeunes. Ben tu peux pas faire un match pré-saison, ça compte pas. Fait qu'il faudrait qu'il joue vraiment un match officiel. Ah. Tu peux-tu le bencher? Tu fais jouer une minute. Faut-tu mettre en uniforme, je pense. Ça ah, tu l'habilles, tu lui fais jouer la première mise en jeu. Puis tu parce qu'après ça, t'es pogné avec 22 joueurs. C'est pas bon. Ouais. T'es pogné avec 20 joueurs, c'est ça. Tu vas être à 19, ça va être. Ah, une game pas importante, là, tu sais. Spezza avec les Blues, bon. Je vais arrêter de lire le chat, là. Ouais, Spezza avec les Blues, ça se pourrait, mais contre qui? TJ Oshie. TJ Oshie. Le nom le plus cool dans la Ligue nationale après Connor Crisp. À part le gars qui va prendre sa retraite, là. Le gars qui va prendre sa retraite? Bon, le dernier point. Ah oui, lui, il avait un nom cool. On va revenir sur lui après. Je sortirai ses stats tantôt. Mais là, dans l'épisode 13, on avait parlé de Kirk Muller qui perdait sa job. On se demandait est-ce qu'il va revenir. Il va se aller dans les mineurs. Il a fait un bon move, ce gars-là. Il vient de signer. Bon move, hein, effectivement. Kirk Muller s'en va à Saint-Louis, devient l'assistant de Ken Hitchcock. Bon move parce que Ken Hitchcock, il reste un an à son contrat. Fait qu'il pourrait prendre la place d'Hitchcock l'autre saison après. Il est dans une bonne position, puis en même temps, au moins, il reste dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Parce que, tu sais, comme Carbonneau, lui, mettons, qui s'aurait fait offrir ça, je sais pas, mais tu sais, puis il aurait refusé. Ou, tu sais, non, je veux être coach, moi. Il y en a des coachs qui ont fait ça, puis sont plus jamais revenus dans la Ligue. Ouais. Mais au moins, il a pris la bonne décision. Ok, je vais retourner, je vais faire un step en arrière. Je vais descendre, mais ça va peut-être me permettre d'aller plus loin. Mais avec Ken Hitchcock, puis... qui est un vieux routier, man, qui est un bon coach. Il est dur, mais tu sais, c'est un bon coach. Puis... Un coach de la vieille école, ça. Ken Hitchcock, qui ont renouvelé son contrat juste pour un an. Donc, lui, tout, ça se peut qu'en décembre, il n'y ait plus de job, puis qu'il soit remplacé par Kirk Muller. Puis là, t'as un méchant bon team en avant toi, Muller. C'est pas la Caroline. Là. Non, Saint-Louis, t'as plus de potentiel. T'as peut-être une chance de montrer ton talent. Peut-être qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour Saint-Louis, on ne sait pas. Là. Peut-être. Ouais, effectivement. Prochain point. Ouais, l'entraîneur-chef des Sharks. Qui aurait dû être nominé. Todd McLean. Ouais, ouais. Qui aurait dû être à la place de qui, Thérémy? À la place de Lombardi, mettons. Non, John Cooper. Non, qui aurait... L'entraîneur. John Cooper. Excuse-moi. On avait parlé à la dernière émission. Ouais, c'est vrai. L'entraîneur-chef et le directeur Doug Wilson seront de retour l'an prochain à la barre des Sharks. Good. C'est correct. Et... C'est pas leur faute. Pour de vrai, on a si bon team. C'est leur team. C'est leur. Comment je pourrais dire ça? C'est leur joueur que c'est des chokers. Thornton, Marleau, tout ça. Vlasic, pas Vlasic, c'est quoi? Pavelski, c'est Pavelski, Chi, ils ont tous chié dans les coins, les autres. En tout cas, j'ai perdu le nom, mais en tout cas, juste Thornton puis Marleau, Chris, ces gars-là, ils sont pas capables de jouer dans les playoffs. Ben des bons joueurs de la Ligue nationale qui s'éteignent en playoffs ou qui n'ont pas le potentiel, mais ils n'ont pas le. Je sais pas qu'est-ce qui. Non, mais parce que ces gars-là, ils jouent tout le temps pareil, ils n'ont pas la coche au-dessus. Ils sont pas capables d'augmenter d'intensité. Ils jouent toujours avec la même intensité. Ils sont bons, intensité. Mais ils sont tout le temps dans le tapis de leur maximum. C'est comme Vanek. Vanek, c'est un joueur normal. Ils jouent tout le temps pareil. Mais Vanek est éteint complètement. Il s'y passe à rien, Vanek. C'est pas la game 2. Mais il était perdu sur la glace. Tu savais qu'on dirait qu'il savait même plus quoi faire. Et comme il tournait en rond. Man, il a perdu le plan de jeu ou il a perdu ça. Il sait pas quoi faire, point. Je sais pas, man. En tout cas. Le mystère Vanek. Ouais, gars, pour de vrai, je vois pas pourquoi ces gars-là s'en iraient puis ils font bien de leur signer encore. Check. Le DJ des Pingouins, Ray Shearer, a subi les contre-coups des insuccès des Pingouins en éliminatoire. J'ai skippé un point, c'est vrai. Le directeur général des Sharks de San Jose fait savoir que Dan Boyle. On va revenir après, j'ai parlé de Ray Shearer, on va mêler tout le monde. Là, Ray Shiro, ben, il s'est fait congédier. Voilà. Il y avait une rumeur toute la journée que c'était Ray Shiro puis Dan Bazma. Ah, la game est finie. On a reçu le warning de la game à télévision. Ouais. On va recommencer. Bon. Écoute, ça, man, je trouvais ça vraiment. Je trouve que c'est correct. Ils ont besoin de faire un move. Ouais, il faut. Il y avait des rumeurs que Crosby ou Malkin seraient peut-être tradés. Ce sera pas Crosby. Mario Lemieux jamais quoi accepter Crosby ce facile. Hey, tu serais fou d'échanger Crosby. T'imagines-tu un échange de Malkin? Malkin! Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher pour ça? Ça, pour de vrai, ça peut être beaucoup moins que tu penses. Ah ouais? Parce que ça serait des joueurs au repêchage. Ah. Ouais, peut-être. Non? Parce que côté joueur, t'as pas vraiment d'égal. Ouais. Ça serait, mettons, un gros joueur, un prospect puis un choix de repêchage. That's it. Fait que c'est un premier choix au repêchage. Là. C'est pas un deuxième. Un premier choix au repêchage, un prospect qui est vraiment hot, puis un joueur vedette. Mais tu sais, vedette qui est, qui va pouvoir aider Crosby, mais qui sera pas égal. Ouais, qui sera pas au niveau de Crosby ou qui ne doit pas évoluer la vedette chemin. Ben, c'est ça. Tu sais que Malkin, des fois, il est meilleur que Crosby. Là. Puis je veux dire, Ouais. Quand t'es mal ensemble, ça marche pas. C'est tout simple que ça. Quand ces deux-là sont ensemble, souvent, ça marche pas. Puis Crosby, pour de vrai, c'est pas un joueur de série. C'est plate à dire, là. Mais non, hein, il n'est pas un joueur de série. Dans le tournoi international, c'est pas un joueur. Il a marqué le but gagnant, mais c'était. Ouais, mais that's it. Quasiment une lock, tu sais. C'est ça, tu sais. Je veux dire, ce gars-là, c'est, depuis qu'il joue dans les séries, peut-être ses premières années, la Coupe Stanley qu'ils ont gagné, ouais, il a peut-être bien joué. Mais depuis ce temps-là, il est off. Il n'est pas capable de jouer dans les séries. C'est vrai que peut-être les joueurs le marquent plus. Il fait des belles passes, chose comme ça, mais il fait juste pas marquer. Puis ce joueur-là. Il est pas là, c'est comme un Vanek. Tu veux pas qu'il fasse juste des belles passes, tu veux qu'il score. Ouais, qu'il fasse, c'est pas un all-around, puis vraiment, c'est un élément déclencheur. Il fait des beaux jeux, parce que c'est Sidney Crosby, mais il manque de quoi. Ben, sous question, est-ce que Crosby est encore le joueur numéro 1 de la Ligue, présentement, tu penses? Oui, parce que pendant la saison, il est meilleur. Ouais. C'est simple que ça, parce que faut pas oublier que pendant les séries éliminatoires, ça compte pas les stats de la saison. Non, fait c'est le trophée Hart, le trophée. Ouais, mais ok, gars, laisse faire les stats, là, puis parle. La saison, les playoffs, tout ça mis ensemble, c'est-tu le joueur le plus complet de la Ligue? Ouais. Même là. C'est rendu en deuxième ronde. Ovechkin, il est même pas là. Ben Ovechkin, on en parlera tantôt, mais non. Mais t'en as qui talonne, je trouve, un peu. Qui? Crosby, t'as Taze qui est vraiment fort. Ah ouais, t'en as des. Ouais, Taze. Taze est bon en playoff aussi. Ouais, Taze, il suit. T'sais, je veux dire, Taze, il est là. T'as des gars dans. Kopitar, t'sais, il est pas payé, mais c'est pas un. Mais ça te prend quand même un Crosby dans la ligue, là, t'as pas le choix. Je pense qu'il est d'une classe à part repos, là. T'sais, mais c'est qu'est-ce qui me surprend de ça, Jerry Shiro, mais ils n'ont pas crissé Dan Bazma dehors. Fait que ça veut dire que c'est le prochain DG. Probablement que le prochain DG va crisser le coach d'or. Je sais pas. Ben, ça arrive souvent, je pense. Il va peut-être le garder pour avoir un petit peu de continuité, mais pendant la saison, s'il bat 6 matchs de suite, il est out. Ouais, c'est sûr. Là. Ça sera pas long. Il va avoir déjà... le nouveau DG, je pense, va avoir quelqu'un dans la tête. Mais souvent, c'est un move qui va arriver dans NHL que le DG va se faire mettre dehors, puis le DG va décider de son équipe après. Il va peut-être mettre le coach dehors, le garder en place. C'est ce qu'il a dit. Mario Lemieux, c'est lui qui va décider. Fait que, on va voir. C'est... À voir. À voir, oui, effectivement. Revenons sur le point justement que j'ai sauté sur ma feuille. Attends, Ray Shiro va là sûrement avec les Capitals en passant qu'il est l'ennemi juré des Penguins. Ils ont besoin d'être DG. Ah ouais? Ouais, hein. S'en va là-bas sûrement. C'est les grosses rumeurs, c'est ça. Avec Ovechkin. Effectivement. Fait que ouais, on a passé un point, tu disais, le directeur général des Sharks fait savoir à Dan Boyle et Martin Havlat qui ne seront pas de retour avec l'équipe la saison prochaine. Ben, Dan Boyle a 38 ans. Ça va vers la fin. Ça va vers la retraite. On a besoin d'un jeune défenseur. Martin Havlat. Tu sais, il compte quoi? 20 buts, 25 buts. Il a eu des bonnes années, mais il se fait blesser. Mm. Puis à un moment donné, il coûte cher pour cette équipe-là. Peut-être que c'est le temps de le laisser partir pour avoir des jeunes. Il s'en vient vieux, les Sanosés. Quand même. Ouais, quand même. Beaucoup de vieux joueurs à l'avant. Fait que, puis Dan Boyle, tout, il était vieux à défense. Puis Dan Boyle, c'est plus Dan Boyle qu'on a connu il y a 5 ans. Puis... Bonne retraite, Dan Boyle. Je pense qu'il va jouer encore jusqu'à 40. Ouais, tu penses qu'il peut. Il va signer un contrat de 2 ans. C'est sûr que quelqu'un va, qu'il pourrait signer par la peut-être. Il y a peut-être une équipe qui aurait besoin d'un genre de vétéran comme Dan Boyle là, dans son équipe. Ça se peut. Ouais. Ça se peut très bien. À voir. Ouais, avec les Panthers. La période est finie. Les Panthers ou les Tampa Bay. On finit la période des Panthers. Puis il nous reste encore des points. Fait qu'on va continuer tout ça maintenant. Prolongation. Ovechkin s'est blessé à la Coupe du Monde à une jambe présentement. Coupe mondiale de hockey. Pourquoi ils vont jouer là, man? Pour de vrai, essayer. Mais nous autres, c'est le Canada, c'est l'équipe F. Ouais, je sais pas. Là. C'est qui goal, on s'est pas on s'est pas fait battre d'ailleurs par la France par Christophe Allouet récemment puis monsieur Roussel Antoine Roussel qui est le meilleur joueur de la France parce que c'est un batailleur Dallas là. C'est un joueur quatrième trio à Dallas c'est le meilleur joueur de la France mais ouais on s'est fait battre mais après ça on est revenu mais pour le championnat mondial pour le Canada ça nous autres c'est les Olympiques ça finit puis le World Tournament c'est les Olympiques puis la médaille d'or that's it yeah. Même le tournoi mondial junior mais pas là. Non. C'est souvent les autres pays qui vont les le Russes, ils vont. Comme les Russes sont partout. Là. Mais disons, notre goaler, pour de vrai, je m'en rappelle pas. Les Russes vont tout envahir. Dan Ellis, je pense. Dan Ellis. Je pense que c'est notre goaler. Peut-être. Hey, c'est même pas notre troisième goaler, Zanin. Yann Boulis, non? Mm-hmm. Non, ok. Mais il joue pour. Non, c'est pas vrai, je sais pas. Je sais pas quelle nationalité il est. Il y a les Blues de Saint-Louis qui ont donné un contrat de 3 ans au gardien de but Brian Elliott. Good. Hey, man. Good for him. J'ai déjà un bon second goalie. Ouais. Man, c'est le premier goaler qui a joué pour les Sénateurs, lui. Ouais, je pense que c'est ça. À un moment donné, c'est comme le premier goaler parce qu'Anderson, je pense, était blessé. Puis il était bon en crise. Fait qu'imagine, là, c'est le second à Ryan Miller. Hey, t'as un méchant bon team de goaler, les Blues. C'est pas qu'il est choqué en série. Moi, j'avais prédit, je sais, dans le premier épisode, j'avais prédit, ou dans le premier épisode, que c'était les Blues, c'était pour gagner la Coupe. Ça m'a dit ça, aussi que. Dommage. Il choke. Man, il l'avait, là, en plus. Call. Yes! Mais c'est pas grave. Check. Bon, il nous reste 2 points, je crois. Alex, le directeur général Bob Murray a reçu un vote de confiance 3 jours après l'élimination de des Ducks d'Anaheim en obtenant une prolongation de contrat de 4 ans avec l'équipe. J'espère qu'il restait 2 ans à faire, fait que finalement il va demeurer en poste jusqu'en 2020. Fait qu'il y a comme 6 ans de contrat encore. Il a bien bâti l'équipe, lui, il faut lui donner. Ouais. C'est juste que peut-être son coach, comme j'ai dit tantôt. Je pense que Bruce Boudreau, il va se faire rentrer dedans, là. C'est vraiment lui, il pourrait même perdre sa job. Il y a Barry Trotz qui est disponible. Il y a plein de coachs, man, qui sont disponibles. Il y a Monsieur les cheveux. Barry Trotz, c'est pas lui qui est sur. Il n'y a pas de coup. C'est ça, c'est la tête en forme de canne de thon, ça. Tourne juste ses épaules. C'est lui qui a eu la pancarte sur l'autoroute, ça. Barry Trotz, pour le remercier de ses 16 ans de service. Exactement, man, dans Nashville. Mais peut-être vieux un peu. C'est un nasty bon coach, par exemple. Regarde l'équipe qu'il y a eu, là, puis il a fait comme. Il faisait série, man. Ouais. Il n'y avait pas d'équipe, ce gars-là. Là. Ce gars-là, c'est un bon coach. Mais Boudreau, en tout cas, regarde. Moi, la décision qu'il a prise, ça remet un petit peu sa réputation en jeu. Puis il n'est pas bon en série. Il n'est pas capable de s'ajuster avec les Capitals. Quand les Capitals jouaient contre le Canadien, qu'on les a battus en 7, il n'a jamais changé son plan de match. Il a toujours essayé de faire la même affaire, c'est pour ça qu'on les a battus. Même chose avec les Ducks, il n'a pas été capable de s'ajuster. Il a vraiment de la misère à s'ajuster dans les séries, ce gars-là. But that's my 2 cents. Les 2 cents d'Alex. Mes 2 cents. Et le dernier point, un point qui te rend triste, là, ouais, Alex. Ça me fait de la peine. Parce que t'aimais bien le nom du joueur, je pense. Le Slovaque Miroslav Satan prend sa. Satan ou Chatan, quoi. Satan, c'est Chatan pour de vrai, mais tu sais, fait Satan quand même dans le dos. Prend sa retraite du hockey professionnel. Ça, c'est un nom cool. De 39 ans. Ouais. Pour un attaquant, c'est vieux, mais ce nom-là. Vous, quand je joue pour Edmonton, c'est who the fuck is this? Mais c'est Roslan, Chatan, c'est assis, un asti nom hot, lui. J'ai ses stats ici. un ailier gauche a été. Il n'a pas été mauvais. Non, il a quand même été bon. Il a été drafté par les Oilers d'Edmonton en 93, round 5, numéro 111. Quand même. Ouais, pas de Miller dans le milieu, tu sais. Born, donc, né le 22 octobre 1974 à Topolkany, Slovaquia. 6 pieds 1, 195 livres. Il est né à 6 pieds 1, ça. Ouais, il est né de même. Il est sorti, là, puis il était prêt à jouer au hockey. Il est né en Slovaquie, 6 pieds 1, 180. J'ai ses NHL totals ici, si on veut. Alors, il a joué 1050 matchs. Hey, 1000 matchs à NHL, déjà, là, c'est... Quand tu rends 1000 matchs, parce que t'as réussi. Quand même, là. 363 buts, 372 assists pour un total de 735 points sur 1050 matchs. Quand même bon, ouais, c'est un 3 sur 4 quasiment. Un but aux 3 games. Quand même, là. Chris, c'est pas pire, là. C'est un bon joueur, man, en plus. 464 minutes de pénalité. C'est plus, c'est moins, ils sont pas comptabilisés, mais malheureusement. Non, il a joué 86 matchs en playoff, Miroslav Chatan. 21 victoires, 31 défaites. Non, excuse-moi, c'est pas ça pour en tout. C'est 21 buts, 33 assists. J'ai comme pas l'entête de mes affaires en haut. 54 points et puis... On a besoin d'Dave là, pour les Ouais, stats. Mais moi, excuse-moi. Là, 41 minutes de pénalité en playoff sur 86 games. Un joueur pas très... Pas de Coupe Stanley. Aucune c'est Coupe plate. Stanley. Ouais, mais tu sais, son nom c'était Satan. Fait que... He will be missed. On va tirer son numéro à Edmonton. Maudit. Ben c'était écoute... Ça fait le tour du podcast, Alex. J'avais une dernière petite question comme ça, sujet libre. Là. Ouais, libre. Trouves-tu que la saison de hockey finit trop tard? T'es-tu tanné présentement d'écouter le hockey? Non. Moi, j'aime le hockey, mais il fait beau le soir. J'ai comme le goût de faire autre chose que d'écouter les games, mais je les écoute pareil parce que c'est tellement bon. On va dire comme ça le samedi passé en après-midi, J'aurais jamais ça parce que c'est pas ma bière. Non, mais c'est cool. C'est bien. Mais. Du hockey de même, on écouterait toute l'année. C'est juste que là, je suis comme. C'est ça, c'est parce que le hockey est tellement bon. Mais on pourrait-tu couper 20 games pendant la saison? Ouais. Ouais, mais jamais ils vont faire ça. Imagine-tu les pertes de revenus de ça. Là. Perte de revenus baisse, ça veut dire la masse salariale baisse, les salaires des joueurs baissent, tout le baisse. Ouais, c'est ça, mais, oui, effectivement, je trouve que du hockey jusqu'au mois de juin, je trouve ça un peu tard. Ouais. Mais en même temps, je suis tanné d'écouter, non. Non, moi non plus. Là. C'est bien trop hot. Là. D'avoir à m'asseoir devant ma télévision, mais j'adore le hockey que j'écoute, c'est tellement ouais. Bon. Les games sont incroyables, sauf quelques exceptions, là, comme premier match Rangers-Canadiens. Ouais, ça, c'était pas un bon hockey de série. Bon, mais je l'avoue, j'ai lâché en troisième, ouais. J'ai fait autre chose. Là. Really? Oh, man. J'ai lâché, même quand c'était 4-1, j'ai commencé à faire la deuxième période. J'ai commencé à faire du ménage, puis quand c'était en troisième période, je l'ai laissé en background, puis je fais autre chose, là, puis je fais là, j'en revenais, je voyais qu'il se faisait contre un but, je suis fuck off. Puis là, des fois, j'espérais, puis j'oublie ça, man. Quelqu'un dans le chat nous propose que le hockey devrait commencer en septembre et les séries devraient commencer en mars. Je suis pas d'accord. Je suis pas contre ça. Je suis vraiment. Juste décaler un peu d'un mois, peut-être, tu sais. En septembre, ouais. C'est le temps de commencer le hockey, là, me semble. Mais même. C'est la rentrée. C'est... Ben, ils commencent les camps et tout, mais tranquillement. Quand ouais, j'avoue qu'il y a une couple de jours. Après ça, deux semaines de break. Après, c'est... Tu sais, écoute, je pense que ça changera pas. Un vieux pieu de notre part. Présentement, j'aimerais ça qu'on soit en finale de la coupe. Là. C'est ça, là, l'affaire. C'est peut-être ça qui me dérange le plus du pacing de la NHL. Là. C'est... Ben, les séries sont longues. Il y a beaucoup de 7 matchs qui sont passés. Puis t'as pas... C'est ça, l'affaire. Sinon, on pourrait prendre le format de basketball. Au début, c'est des 3 de 5. Puis après ça, tu passes dans des 4 de 7. C'est pas fou ça, man. Ça aurait duré. Les premières rondes, c'est du 3-5. Les deux premières rondes, 3-5. Après ça, finition 4-7, finale 4-7. On aurait passé. On serait éliminé. 3-5. On serait éliminé par Boston en 3. Ouais, c'est des risques à courir. Ça changerait beaucoup. C'est l'avancement du sport. À un moment donné. C'est des risques à courir. Mais c'est basketball, ils font ça, mais c'est pas long, man. 3-5, ça va vite. Hey, le basket. Le baseball, ils font quoi, eux autres? This is not fucking baseball! Ils font ça du 3 de 5, tout petit 4 de 7. Ah ouais. Ils faisaient ça avant, je sais plus pour de vrai. Mark? On est-tu le seul sport qui fait ça de sa manière? Des 4 de 7 all the time? Ouais. Oui. C'est le sport le plus dur pour gagner la coupe. Football, c'est des one game. Baseball, c'est des 4 de 7. La série mondiale, c'est un 4 de 7. Ouais. Avant ça, je pense que c'est des 3 de 5. Après ça, soccer, c'est encore éliminé immédiatement, puis il y a même des tirs de pénalité. C'est des penalty là, des tirs de barrage. Basketball, c'est 4 de 7, mais juste en finale encore, dans les derniers rounds. Oui, on est seul sport que c'est le plus dur. Le seul sport que c'est le plus dur de gagner la coupe et le seul sport que les arbitres le ont autant d'influence sur la game aussi. Oui, on y reviendra toujours au bout du livre de règlement avec l'interprétation. Comment t'as trouvé dans la série Rangers canadien l'arbitrage? L'arbitrage, ouais. Pas grand chose à dire. Ben, il y a eu des calls bizarres. Comme inégal, la deuxième game, quand Gatchinga qui se fait caller parce que supposément il saute des panneaux. Come on, puis ça a coûté un but. Il y a eu des calls bizarres. Tu sais, en même temps, il n'a pas callé Pross. Tu sais, je me mets du côté des Rangers, ça C'est vraiment inégal dépendant de qui ref. Des fois, c'est des refs expérimentés en plus. Mais des fois, c'est super strict. Des fois, c'est vraiment lousse. Tu sais jamais sur quel genre de match tu vas tomber. C'est ça. C'est juste, tu essaies de voir aussi le plus loin que tu peux aller. Mais gars, hier, le hit avec Pross, supposément, les 4 refs l'ont pas vu. Tu sais, je suis comme, hey, come on. Là. Ouais. Tu sais, la taille, tu sais que c'est bossé. Mais en tout cas, ça va toujours rester de même. Ça changera pas, c'est ça, notre sport. Ben non. Ben là, en tout cas, ça, écoute, ça fait le tour du podcast pour ce soir. Ben, c'est même à deux, ça va être spé. Non, pas spé. Manquer de snad un peu. Ben. Je m'ennuie Martin, je vais t'engueuler la prochaine fois. Ben là, écoute, on est encore dépendant des playoffs du Canadien. Prochaine. Ouais, m'enlever ma barbe, je suis plus capable. Ouais. Ben moi, regarde, je l'ai rasé ma barbe des playoffs parce j'avais un événement mondain, là, fait que je voulais être propre. Puis je m'en vais dans le sud m'évacher sur une chaise, fait que ça, je peux pas avoir de barbe pour me faire chier. Mais tu vois, à 2-0 Rangers canadiens, je me suis dit, OK, ça prend un traitement choc pour le CH. C'est rasé. Fuck off, je rase ma barbe. C'était la première année que je la faisais pousser aussi long, mais je l'ai coupé, puis asti, ils ont gagné hier. Ben, coupe-toi-en à plus. J'aime croire que c'est purple grâce à demain, moi. Demain, là, tu te roses babyface. Babyface. Vraiment, là, je vais mettre du fond de teint pour pas que ça paraisse aussi. Là, puis, fait que ça, fait que prochain épisode de la soirée du podcast sera l'épisode 15 de la saison. Également, ça sera notre épisode 20 total, parce que tu sais, on les fait nous autres par saison. Là, fait que 2014-2015, on va recommencer l'épisode 1. On a passé de 5 à 15, c'est quand même. L'année passée, on a fait une demi-saison parce qu'on a commencé en février, puis c'était comme. Puis on ne s'est pas rendu loin en playoff non plus. Fait que... Ouais, t'as raison. Fait que, ben, prochain épisode, soit qu'on est en post-mortem. Puis on pleure. Non, non, dis pas ça. Mais on va rester positif. Ben, on a dit ça l'autre fois, puis on est pas encore en post-mortem présentement. Là, fait que, on sait jamais. Là. Prochain épisode, on va parler de la prochaine série du Canadien ou. On va parler des premiers matchs de la série. Canadien final contre soit les Blackhawks ou les Kings. On espère. On se croise les doigts. Les fort. Kings, come on. Les Kings. Oh, ils sont quick. Ils font moins peur que les Hawks. Ah, les Hawks sont assez épeurants. Les deux sont épeurants, mais les LA font juste un peu moins peur. Il y a quelqu'un qui me demande de me raser la rip et la poche dans le chat. Là. C'est sûr que c'est Martin, ça. Maudite marde. Will do. will do. Non, moi, je me laisse tout le pousser. Ouais, il est l'homme poilu. On devrait se faire une barbe de série. Pas une barbe de série, mais une barbe de saison. Là, on verrait c'est qui les vrais. Finissait avec un gros pinch là, à la fin de la saison. Là. Je suis parti à toujours. Non, c'est pour le team. J'ai tellement goût de me raser, mais je le ferai pas. C'est tellement niaiseux en plus. Ça a comme aucun impact sur le team. Là. C'est un impact psychologique, montrer que je suis plus homme. C'est un impact psychologique sur toi-même parce que t'écouterais pas la game puis les résultats seraient pareils. Tu ferais pas ça, c'est pareil. C'est tellement niaiseux dans le fond. Tu sais pas ça. Tu sais pas, dans le cosmos, t'envoies des ondes positives ou négatives. Ma blonde me dit arrête d'envoyer des ondes négatives aux Canadiens, tu vas les faire perdre. Mais on pose ça sur le dos, c'est trop de pression. Là. Ah ben. Fait que suivez-nous sur Twitter, on est @ Soirée du Podcast. Également sur Facebook, à la Soirée du Podcast. Google Plus, pour ceux qui sont là, j'ai commencé à activer la page tranquillement, pas vite. Question de référencement pour l'année prochaine. L'année prochaine, on fait notre site, Alex. Ça va être super. On va faire une vidéo sur une patinoire et tout. Là. On va avoir une vidéo d'intro aussi. Ça va être, on passe à l'étape supérieure, ce que certains joueurs ne sont pas capables de faire pendant les playoffs. On montre qu'on sait patiner. Oh boy. Vous allez voir que je peux patiner, mais que je peux pas breaker, malheureusement. Tout est possible. La magie du montage. La magie du montage. On va juste fumer des patins. On va s'en remettre tout de suite comme c'est toi. Allez également, si vous êtes fan de podcasts de Web Télé, faire un tour sur RZO, donc rzoweb.com. Plusieurs shows. Plein d'affaires à découvrir là-dessus. Plein de shows différents à découvrir de la Web Télé, des podcasts sur différents sujets. Il y a une expansion qui s'en vient bientôt, je peux le dire en primeur parce que c'est moi qui programme le site. Fait que dans deuxième semaine de juin, il va y avoir une expansion, on va être à peu près à 30 shows. Fait que vous irez faire votre tour. RZO qui continue de grossir, puis c'est pas mal cool. On est bien content d'être le seul show de sport sur RZO. Ouais, on est encore le seul malgré grosse. Yes! On a le monopole. Ben, écoutons, c'était l'épisode 14 de la soirée du podcast.